C'est à vous que je parle. Si hier soir, vous avez préféré dormir, regarder la télé ou tirer votre coup, vous avez raté ça. Et ta mère, elle aime sucer des queues ou pas? Bon voilà, allez, on équipe, passe une bonne soirée. Bah, non, ça répond pas à ma question ça, madame. Bon, tu voulais faire un concours d'orgasme, toi, avant le chéri, je peux te faire cocu face à Erwan? Ouais, je crois que je peux faire bien. Bon alors, vas-y Erwan, là, refais un petit coup, là. Ah oui. Mickaël No Limite, pour rester connecté et ne rien rater. Mickaël officiel sur Facebook, Twitter et tous les soirs en live. Sur Fun Radio. C'est Fun Radio, c'est Mickaël No Limite. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. T'as pas passé une bonne journée? Bon, on n'en que, hein. Je rappelle que depuis hier, je suis en mode opération. Hein, donc, bon, ouais. Pas en opération commando, hein, c'est, enfin, si, peut-être, hein, mais c'est plutôt pour le chirurgien en mode opération commando dans l'oreille. Bon, demain, normalement, je serai là, pas de problème. Ah. Quoi qu'il arrive, si on n'est pas là, on n'a rien prévu. Oui. Donc, on trouvera bien une solution. Oui, oui, bah oui, voilà, au pire, je ferai l'émission. On l'a fait en catastrophe quand j'étais à New York coincé. On l'a fait l'émission en direct de New York, donc je pense que c'est pas de chez moi que ça risque de poser un problème. Oui, normalement, ça devrait bien se passer. Bon, Polo va bien également? Il va bien, il recrute pour l'armée des Doux. Eh oui, l'armée des Doux, c'est vrai. Toujours, hein, Polo, ouais. Ah bah je l'ai vu, hein, il est là avec sa pancarte devant la radio et tout. Il a, oh, même, want you, il a même essayé de trouver des nouveaux doux à l'étranger pendant les vacances. Oui, je suis parti en Argentine. Voilà, il a essayé. Mais le problème, c'est la barrière de la langue. Bah, si. Il va faire la Légion étrangère des doux. Voilà, c'est ça, il y aura la Légion étrangère. Ouais. Si, hola, que tal. Hola, que tal. Bon, donc si vous voulez nous appeler, n'hésitez pas. Hein, bon, pas pour ce soir, mais pour demain, évidemment. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Vous n'hésitez pas, ce soir, c'est mercredi. Et comme tous les mercredis, nous aurons évidemment un Je t'emmerde. Voilà, d'ailleurs, ce que je propose, c'est que justement, vous fassiez un petit extrait de ce qu'il faut faire et ne pas faire éventuellement à ce magnifique jeu du Je t'emmerde. Donc, Tov va faire le faux auditeur et Polo également. D'ailleurs, d'abord, générique évidemment. Je t'emmerde. Je t'emmerde et je t'emmerde. Voilà, on imagine que donc Polo et Tov sont deux auditeurs. On va appeler Tov Jean-Charles et on va appeler Polo Franck Dufour. Voilà, on va faire le je t'emmerde. Allez hop, on y va, c'est parti. Bah, vous faites le téléphone à chaque fois aussi. Hein. Ah, moi, je d'accord. Fais... Voilà, donc tute. Mais qui fait tute? Vas-y. Moi je fais tute, Polo va décrocher dans un premier temps pour faire le mec qu'on appelle et qui est au courant de rien. Et puis vous ferez l'inverse. D'accord. Non, okay. Vous savez quoi, vous emmerdez pas. Tov va jouer, Polo va faire la fausse personne qu'on appelle. Ouais, voilà. Okay. C'est pas la peine de faire les retours. Ouais. Je m'étais pris dans le jeu déjà en disant on va faire un battle et tout alors que c'est pas nécessaire. Bon, vas-y. Écoutez ce qu'il ne faut pas faire pour gagner ou je t'emmerde. Donc tute, ça sonne. Oui, allô, Franck Dufour à l'appareil, j'écoute. Ouais, je t'emmerde. Et voilà. Donc là, il a perdu. Regardez maintenant ce qu'il faut faire. Donc, hop. Oui, allô, Franck Dufour à l'appareil. Ouais, voilà, en fait, je vous appelle parce que j'ai reçu une lettre. Il y avait marqué je t'emmerde. Oui. Et c'est pas une heure pour appeler là, pour me dire ça. Ouais, mais c'est pas, faut pas envoyer des lettres avec écrit je t'emmerde. Monsieur, je ne peux pas écrire, je n'ai pas de main. Oui, mais peut-être que vous avez demandé à quelqu'un de vous écrire des je t'emmerde, parce que c'est pas possible d'écrire tout le temps je t'emmerde. Ça suffit ou j'appelle la police. Et ça fait beaucoup de je t'emmerde dans une phrase. J'ai appelé la police, arrêtez de m'ennuyer. Oui, mais voilà, donc en gros, c'est ce qu'il faut éviter de faire. Alors, vous pouvez le faire pour tenter de gagner, mais essayez d'avoir un petit peu plus d'imagination si vous voulez repartir avec les cadeaux. Le je t'emmerde, quoi qu'il en soit, ça sera tout à l'heure. Si vous voulez d'ailleurs nous appeler 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique, n'hésitez pas. Et puis on va se faire également la colle ce soir avec Marion qui est avec nous dans le Haut-Rhin de Warbourg. Bonsoir Marion. Salut Mickaël. Comment ça va? Ça va. Bon, très bien. Alors on va jouer ensemble ce soir Marion? Oui. On va jouer pour que tu puisses peut-être repartir avec un Samsung Galaxy Tab 3, c'est la tablette qu'on vous offre toute la semaine. Ou alors avec une console, c'est la Nintendo 3DS XL. Tu choisirais quoi, dis-moi, si tu gagnes? La tablette, d'accord. Tu as bien raison. Bah écoute, les deux sont bien, ça dépend ce qu'on va faire avec. L'avantage avec la tablette, c'est qu'on peut jouer et en même temps faire autre chose. Alors qu'avec la console, évidemment, c'est plus compliqué. Mais il y a plus de jeux sur la console. Donc, bon, à voir quoi, ça dépend pourquoi on la veut. Bon, quoi qu'il en soit, il faut pour ça que tu poses une colle, Marion. Celui ou celle qui arrivera à donner la bonne réponse et celui ou celle qui passera l'antenne gagnera la tablette ou la console Nintendo 3DS XL. Si personne ne trouve la bonne réponse ou que la personne qu'on appelle ne décroche pas, c'est toi qui gagne. Marion, quelle est la colle? On t'écoute. On me voit toujours en double en une journée. Je passe mon temps à croiser ma petite sœur. Qui suis-je? Alors, on me voit toujours en double en une journée. Je passe mon temps à croiser ma petite sœur. Qui suis-je ? C'est bien ça ? Oui. Bon, si vous avez la bonne réponse, comme tous les soirs, vous connaissez le principe pour les nouveaux, je vous le rappelle. Vous envoyez M-I-K-L suivi de votre réponse. Envoyez ça au 64-900 par SMS depuis la France ou au 63-22 par SMS depuis la Belgique. Et dans quelques minutes, je vous mettrai également sur le Facebook de l'émission ainsi que le Twitter la colle pour que vous puissiez la lire et y répondre gratos. Qui est quand même plutôt sympa pour repartir avec les cadeaux. Facebook.com/M-I-K-L officiel. Ce sera d'ici quelques minutes. Marion, on te récupère et on donne la réponse avant minuit 30, d'accord ? Ok. Parfait, et bah bouge pas, tu veux écouter un son en particulier ou pas toi ? Non mais tu peux me dire non après, si t'as pas forcément d'idée, y a pas de soucis. Moi je mettrais bien le nouvel Usher tout à l'heure aussi qu'on vous avait fait découvrir lundi. Oui. Exactement, avec God Kisser, c'est ce qui passera tout à l'heure sur Fun Radio. Donc restez bien là, c'est Mickaël No Limit en mode en mode 23h-2h comme tous les soirs de la semaine sur Fun Radio. Mickaël No Limit, 23h-2h sur Fun Radio. C'est tous les soirs sur Fun Radio. Mickaël No Limit continue à prévenir vos potes évidemment si vous voulez qu'ils écoutent enfin une bonne émission. J'ai envie de dire hein, sans nous la ramener, on n'est pas comme ça de toute façon quoi qu'il arrive. Mickaël officiel, vous tapez ça sur Facebook pour nous rejoindre, pareil sur le Twitter de l'émission et puis vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube de l'émission. Vous tapez là aussi Mickaël officiel, abonnez-vous à la chaîne YouTube et prévenez vos potes également qu'ils viennent justement s'abonner à cette chaîne YouTube. Toffem la sodomie sur le Twitter qui dit ce soir je suis excité. T'es sa race. Polo va te faire mettre. Toff va te faire fourrer par un cheval. Et Mickaël, tu es le patron. Je t'aime beaucoup, Toff, femme la sodomie. T'es quelqu'un de bien. Tu as vu en face des trous. Complètement. Et Jules qui dit salut Mickaël, je suis sur Black Ops 2 et je fais de la pub pour l'émission sur le chat du jeu. En plus, de plus en plus d'auditeurs sur Fun Radio. Cool, Jules. Ça, c'est cool. Et Marie-Kel, j'ai ramené du monde ce soir. Mon bro qui est là. Eh ben, salut le bro. Un petit message de bienvenue, tiens, pour le bro. Voilà. Merci Marie-Kel. Les Cali également. Coucou tout le monde et coucou toute l'équipe de Mickaël Limite. Allez, on est prêt pour une soirée très très fucking ouf. Encore et encore, on s'en lasse pas. Et Joris qui dit vous faites du super boulot, je vous adore. Merci pour tous vos messages d'entrée de jeu, ça fait plaisir. Et puis je voulais vous poser une question également ce matin en me levant. Car oui, il a fallu que je me lève. Bon, je dis ce matin, il était midi, hein, mais bon, on n'est pas dans le détail évidemment. En même temps, on se couche, il est 4h, 4h30 du mat, donc c'est forcément, on se lève plus tard que les autres. Et donc ce matin, j'avais un post sur le Facebook qui demandait en dehors de la clope et de l'alcool, quels sont les vices dont vous ne pouvez pas vous passer ? Ah. Alors je me suis dit que j'allais vous poser la question ce soir. Donc venez nous avouer vos vices. Je vais également poster là maintenant la question sur le Facebook et le Twitter. Donc du coup j'aimerais avoir vos réponses. Facebook.com/Mickaël officiel. Sur le Twitter, ajoutez-moi, tapez Mickaël_, c'est le petit tiré en bas, Mickaël_officiel, et puis vous mettez tous vos messages avec le hashtag Mickaël. Et toi tiens par exemple Yanis, est-ce qu'il y a un vice comme ça dont tu peux pas te passer ? Tu sais que c'est mauvais, non. Mais malgré tout, tu le fais quand même. Non, pas personnellement, non. Enfin, pas perso, oui, mais en même temps, c'est à toi que je pose la question, donc ça doit être personnel à la oui, moment. Ouais, non. Oui, enfin, non, mais... Donc t'as pas de vice, tu fumes pas, tu bois pas, pas d'alcool. Non, pas de cheat. Pas d'alcool, quand je suis en boîte et tout ça, non. D'accord, ok, mais c'est pas... Tu bois jamais de coca ? Si. Mais je suis pas addict à ça. T'es pas addict, d'accord. Moi, j'avoue, je vais pas dire que c'est addict, je peux m'en passer, mais ça me fait chier quand même du coca zéro, j'adore. J'ai tendance à en boire facilement, trop facilement, beaucoup trop facilement, même je suis en cure de désintox. Hein. Ah ouais, tu vas voir un mec et tout qui te... Non mais disons que j'essaye de diminuer un peu parce que je sais que ça reste pas bon quoi. Mais j'étais quand même facile à un moment à 3-4 canettes par jour, donc ça fait beaucoup, 33 centilitres, ça fait quasiment 1,5 litre, donc c'est un peu trop. Donc là j'essaie de me limiter à une ou deux grands max. Toff, lui, qu'est-ce qu'il a comme... Moi j'ai la branlette, hein, ça c'est ma... Mais c'est pas mauvais pour la santé, c'est pas un vice. Non c'est vrai, c'est une addiction. Ça abîme le gland quand même. Même pas. Non sinon il y a le Red Bull, ça par contre. Le Red Bull ça c'est dégueulasse. Moi je suis au moins une canette par jour, parfois deux. Ouais. Mais ça aussi c'est pareil, j'essaie de pas dépasser parce que je sais que c'est archi mauvais. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon la baise, mais c'est pareil, c'est pas non plus très dangereux si tu mets des capotes. Bah si tu mets des capotes non ça va, non. Enfin ça dépend, si t'es avec une autre meuf là ça peut être dangereux si elle te met une patate. Oui ça non, ça voilà. Et après non physiquement parfois il m'est arrivé des trucs mais. Et toi Polo? Le café déjà. Ouais, c'est bah il y a le café, ouais. Alors là, putain, ouais, alors, en termes de café, là, on est quand même pas mal, hein. Mais ça, c'est parce qu'on bosse, comme on bosse tard et tout, on est obligé de se... se booster le cul quoi. Ouais. Et je dois dire que Polo m'a entraîné dans ce vice. Dans le vice du café. Parce que comme il prend, parfois je descends prendre un café, j'en prends un pour lui et inversement. Donc du coup en fait on boit le double de café. Ouais, doublette de café exactement. Bon, continuez à nous le dire hein, vous justement. Et ben donc en dehors de la clope et de l'alcool, donc quels sont les vices dont vous ne pouvez pas vous passer? Et puis bah justement bah dites-nous 01 42 48 5000 pour la Belgique, 02 851 4x0. Et puis vous mettez vos réponses également sur le Facebook et le Twitter de l'émission, tapez Mickaël officiel. On va parler de quoi, dis-moi, avec toi Yanis dans quelques minutes? Et bon, en fait, moi, enfin, je vous raconte vite fait, en fait, mon pote, il m'a invité dans une boîte, en fait, et je crois que c'était une boîte où il y avait des meufs, mais en vrai, non, c'est une boîte, boîte à gays. Ah, non, c'est une boîte gay. T'as les boîtes à putes, puis t'as les boîtes à gays. Non, ouais, et les boîtes à gants et les boîtes... au moins ça, quoi, tu vois, mais non, même pas. Donc c'était que des gays, quoi. Ouais, voilà, non. Mais il est gay, ton mec, ton pote? Comment? Il est gay, ton pote? Non, mais en fait, c'était comme un piège qu'il m'a posé, en fait. Comment c'est un piège? Non, mais c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il t'a dit? C'est un traquenard. Non, en fait, il m'a donné rendez-vous là-bas. Ouais. En fait, je l'ai attendu, et puis après, quand j'en avais marre, tu sais, j'ai vu que c'était chaud, c'était avec des mecs, et je l'ai appelé, après, il répondait plus, quoi. Ah, il est pas venu, lui? Ouais, voilà, lui, il est pas venu. Oh, quel enculé. Et puis après, je vois un mec, et je lui demande, ouais, les meufs, ils vont dire quoi? Et puis après, il me dit, désolé, mon chou, mais c'est une boîte à gay. Enfin, une boîte gay. Ouais, mais boîte à gay. Ouais, et là, mon pote, après, il a plus voulu répondre, quoi. Ah, bah, tu m'étonnes. Bon, attends, moi, dans les boîtes gays, il y a toujours des bandes de meufs qui y vont, quoi. Oui, parce que justement, elles ont la peine, hein, normalement, dans les boîtes gays. Ouais, sauf qu'il y a des connards comme Toff qui, du coup, y vont et en fait pourrissent le truc. Un vrai drame. Bon, bouge pas de là, Yanis. On va revenir avec toi dans quelques minutes. Avec vous également. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Il y aura les appels de Toff, là. Hein, parce que je rappelle que depuis lundi, Toff s'est fait. Upgradé. Mais j'ai été convoqué. Convoqué par la police. Commissariat. Exactement, voilà, oui. Parce que je fais des appels malveillants à caractère pornographique. Il est fier, hein. Ah bah oui. Espèce d'enculé, voilà. Je voulais qu'elle me donne le PV pour l'accrocher dans le bureau, ah oui. Mais elle a pas voulu. Oh merde. Déception totale. Bon, on en fera d'autres des appels dans quelques minutes. Si vous voulez d'ailleurs donner des numéros de téléphone de gens aussi sympathiques que celui-là. Espèce d'enculé, va. Voilà, bah vous n'hésitez pas, vous faites ça sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. Venez foutre le bordel tous les soirs. Tu me dégoûtes. No Limit. Fun Radio. Mickaël No Limit. On Fun Radio. Toutes les nuits. Au lieu de compter les moutons pour vous endormir, venez compter les têtes de con. Ah oui, carrément. Vous allez kiffer vivre avec nous. Aha. Mickaël, de 23h à 2h sur Fun Radio. C'est Fun Radio, toujours Mickaël, No Limit, 23h, 2h, avec toujours en mode opération, hein, parce que j'ai un petit problème au niveau des oreilles. Rien de grave dans l'absolu, hein, maman, si tu m'écoutes, pas de problème. Oui, parce que j'ai pas prévenu ma mère. Ah oui, d'accord. Non, sinon elle allait me prendre la fin, elle allait pas me prendre la tête, mais elle allait s'inquiéter, Alors que c'est juste une opération à la con, c'est juste qu'on m'endort, on m'a endormi complètement hier, mais voilà, il y avait rien de catastrophique. Et puis avec un peu de chance, elle l'entendra pas. Et oui, bah voilà, c'est ça, exactement. Avec un peu de chance, elle l'entendra pas, donc on est tranquille à ce niveau-là, voilà, justement. Bon, il y a un message qui est arrivé, il y a Mickaël le boss sur le Twitter. Mickaël, on t'a jamais dit que tu gérais mon best. Non, mais c'est gentil, merci Mickaël le patron. Il y a l'alien aussi, chiller tous les soirs avec vous, c'est trop bon. Lucas également le vice dont je ne peux pas me passer. Êtes-vous écouté chaque soir? Mais ça, c'est un bon vice, bon pour la santé. Ouais. Mickaël qui dit, moi, c'est mon smartphone que je suis vice. Non, c'est un vice que tu as, c'est ton smartphone. Ouais, j'avoue que j'ai tendance à l'avoir greffé dans ma main aussi, moi. Le téléphone. J'admets. Stevie aussi, mon ordi, je passe 10 heures dessus par jour. Ça m'arrive de faire des nuits blanches à cause de mon ordinateur. Thomas également sur le Twitter, les jeux vidéo et la Monster pour Toff. Et Polo, c'est certainement les films de cul. Ah bah oui, clairement. Alex qui dit me gratter les couilles au boulot et me ronger les ongles. Il y a Thomas aussi, mes vis. Perso, moi, c'est les clous que je n'aime pas. Les clous? Ouais, vis, clous. Bon. Ah, les clous, d'accord. Oh, okay, la vanne de Thomas. Et alors, Thomas, mec, comment te dire que... C'est tout ce que tu méritais. Et Jojo qui dit, moi, c'est le Coca Zéro. Je peux pas m'en passer, mais je diminue aussi. Et le Cappuccino. Et Dédé sur le Twitter également. Pour ma part, je fume pas, je bois pas et je baisse pas. Si c'est pas le vice d'être clean, ça. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est pas mal, effectivement. L'alien, je bois une bouteille de jus d'orange par jour pour mon vice. Et on est quand même une équipe relativement saine. Hein. Aucun fumeur dans l'équipe. Non. C'est vrai. C'est vrai. Même ouais. Sandro ne fume pas. Hein. Ouais, elle fume plus. Non, jamais fumé, Sandro. Jamais. Elle a toujours été clean. N'est-ce pas? Non, dans le micro, parce qu'on t'entend mal. Je fume plus. Voilà, c'est ça, terminé. Je fumais des poils de couilles. Ça, c'est un autre problème. C'est une autre époque. Ça, c'est un autre problème. Guillaume également, encore une soirée de ouf qui s'annonce. Moi, perso, j'ai le vice de Mickaël, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est bien. Et Christophe également. Moi, je suis addict à Mickaël, mais ça, c'est bon pour la santé et surtout pour me détendre. Et la famille tweet, bien entendu. Bah oui, je compte sur vous. On a bien cartonné hier et avant-hier avec les Twitter, là, justement. Donc, continuez ce soir. Prévenez vos potes, il se passe enfin un truc à écouter le soir à la radio. C'est sur Fun Radio que ça se passe. Terminez d'écouter des émissions chiantes. On est là dorénavant de 23h à 2h la semaine et le dimanche de 20h à minuit. Faites passer le message. Bon, j'avais dit que tout à l'heure nous allions avoir un très très bon sujet pour Toff. Ah. Ah oui, bah très très bon, hein. très très bon. Alors les mecs, est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi les filles crient pendant que vous faites l'amour, vous leur faites l'amour, pardon? Bah, le plaisir, elles jouissent. Une idée, Yanis? Je sais pas, parce qu'on leur fait mal, qu'est-ce que c'est, bon. Parce qu'on leur fait mal, c'est une bonne réponse. J'ai l'impression d'être dans la famille. Bah oui, enfin je pense, c'est le principal, je pense. Bah oui, non mais pendant les filles, elles crient pendant qu'on fait l'amour. En général, on imagine que c'est parce qu'elles kiffent, elles sont au bord de leur pied, qu'elles prennent leurs pieds. Voilà, c'est ça. Eh ben pas du tout. Dans 66% des cas, 66, c'est-à-dire 2 sur 3, 66% des cas, eh ben, c'est pour vous faire jouir plus vite les mecs parce qu'elles se font chier. Et ouais, 87% des femmes avouent l'avoir déjà fait pour satisfaire l'ego de leur mec. Oh là là là. C'est là pas là. Mal quand même. Hein. Ah ouais, les mecs, ça fait mal d'entendre ça, j'imagine. Mais le pire du pire, c'est que pour une partie des femmes, le fait de crier, c'est surtout parce que ça les occupe tellement elles s'emmerdent. Oh putain. Alors c'est quand même violent. Donc venez nous dire les filles si vous criez beaucoup ou pas et surtout pourquoi. Et puis Toff, tu vas appeler tes amis hein, pour voir un peu si ça crie à la maison. Bah évidemment. Eh bah très bien. Bon, qu'on a besoin des numéros de téléphone de Jean Cordebois à cette heure-ci et plutôt un peu nerveux. Ça que tu aimes, hein, te faire autonomiser toi, hein. Comme lui par exemple, vous envoyez ça sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. Et puis pour les autres, si vous voulez réagir les filles, on vous attend. Est-ce que votre copine crie beaucoup les mecs, vous pouvez nous le dire aussi. Ou est-ce que vous criez les filles et pourquoi vous criez? Appelez-nous 01 42 48 5000 02 851 4x0. Bon Yanis, alors toi tu voulais parler donc d'une boîte, donc t'as un pote qui t'est foutu de ta gueule, il t'a invité dans une boîte, il t'a fait aller là-bas, il est pas venu, en fait c'est une boîte gay, c'est ça? Non, une boîte à gay. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Et mais en fait c'est comme une vengeance. En fait, enfin je vous expliquerai à la fin en fait. À la fin c'est une vengeance en fait. Pourquoi tu l'as fait? Tu l'as fait de la merde. Ouais, tu l'as fait quoi avant? Non, parce qu'en fait je lui ai pété sa bagnole. Bah oui, mais qui était vénère. Quelques mois avant l'histoire là, en fait, je l'ai percuté la voiture contre un arrêt de bus en fait. Ouais, mais t'as fait un accident ou t'étais bourrasse? Hein? T'as fait un accident ou t'étais bourré? Non, même pas, c'est un accident normal. Hein. Oui, un accident normal. Bon, t'as eu un accident quoi? Ouais, voilà, un accident en fait, il s'est vengé en fait. D'accord, okay. Ouais, donc du coup, franchement, ça va, hein. Tu lui as tué sa voiture et il t'a simplement fait la vanne de te faire venir dans une boîte gay, donc ça va. Voilà, quand même quoi. Bah oui, attends, heureusement, il y a bien pire, Yanis, hein, je te le dis direct. Hein. Bon, attends, bouge pas. Donc, qu'est-ce que vous avez déjà eu comme anecdote, vous? Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans une boîte gay? Ou est-ce que vous vous êtes déjà fait avoir. Non, mais par votre pote, tu sais, genre, il vous a fait une vanne de merde, laquelle c'était? Dites-nous tout ça, là. Appelez-nous 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Yanis, reste avec nous, bouge pas de là. On va faire le jeu du je t'emmerde également ce soir. Hein. Ce soir, j'ai les Nintendo 3DS XL à vous offrir. Et si vous voulez jouer, bah appelez-nous également 01 42 48 5000. Et pour la Belgique, le 02 851 4x0. Le principe est simple, on appelle des gens au hasard. Vous êtes deux auditeurs à vous affronter. Celui qui arrive à placer un maximum de je t'emmerde dans des phrases les plus naturelles possibles face à des inconnus qu'on appelle, eh bien repartira avec la console. Facile, donc le jeu du je t'emmerde, c'est dans 10 minutes sur Fun Radio. En attendant, il y a Marjorie de Grenoble qui est avec nous, elle a 25 ans. Salut Marjorie. Bonsoir. Bonsoir Marjorie. Tu sais qu'on va venir faire l'émission en direct de Grenoble? Oui, je sais. T'as vu? Et tu nous invites? Bah bravo. Ah bah ouais, mais je suis pas Grenoble même, donc Ah d'accord, ok, très bien. Grenoble, donc bon. D'accord. Bon bah du coup, donc on sera normalement à Grenoble pour faire l'émission en direct de Grenoble. Ce sera dimanche le 16 mars à partir de 20h. On vous donnera l'adresse, vous allez pouvoir venir. Et puis ça va être la folie totale, voilà, tout simplement. Je viendrai vous voir quand même. Eh bah très bien Marjorie. Bon alors Marjorie, toi c'est quoi ton... T'es accro à quoi toi? Alors au coca. Au coca normal ou au coca zéro ou light? N'importe tous, surtout tous. Le normal, mais un peu tous. D'accord, ah ouais, ok. Ah ouais, non, mais d'accord. Et quoi d'autre? Et la pâte à tartiner, le Nutella. Ah oui, en plein air. Ouais, Nutella et Coca, je peux te dire que le mélange, il est bien. Ah, donc, hein, il manque plus que les pancakes, et là, t'es au top du top. Hein. Il y a Lola qui dit, c'est pas vrai, moi je crie parce que je kiffe. C'est quoi le rapport? Bah c'est pas avec tout à l'heure tu disais que les meufs elles criaient. Ah oui, je suis con que... putain. Mais oui. Putain, j'ai une mémoire de poisson rouge, moi c'est quand même violent. Il y a Clem qui dit bien le bonsoir. Salut Clem. Et Lucas qui dit ouais, je suis nouveau dans l'émission, vous êtes trop drôle. Merci Lucas. Bah bienvenue à toi. Je sais pas si on dit Lucas ou Lucas parce que yes. Hugo Réo qui dit j'adorais vous rejoindre mais j'ai pas 18 ans. Dès que j'ai le permis, je vous rejoindrai partout où vous irez. C'est cool Hugo Réo, merci. Et encore Melmel qui dit est-ce que je peux avoir un message de bienvenue s'il te plaît car je vous écoute. J'ai jamais eu de message qui passe à l'antenne. Bah écoute, on va t'en mettre un si tu veux. Oui, c'est pas un problème, avec plaisir. Attends, je vais t'en mettre un directement là, regarde. Hop là. Allez vous faire foutre. Voilà, foutre hein, sans le R parce qu'on a fait des économies. Bon, très bien. Bah merci beaucoup Marjorie en tout cas. Bah de rien. Et je pourrais avoir un pack fun? Oui, bien sûr, on va te passer ça sans problème. Je te renvoie au standard, on va prendre toutes tes coordonnées, OK? Merci. Je te fais des bisous. Salut Marjorie. À bientôt, je t'embrasse. Accro et accro, vous êtes accro à quoi justement? Il y a Amine qui veut nous donner son avis. Salut Amine. Salut Mika. Comment ça va? Ouais, toi? Bien. Alors t'es accro à quoi toi? Moi c'est au sexe. Au sexe? Ah oui oui oui, bah oui oui. Mais au sexe avec la même meuf ou au sexe avec plein de meufs différentes? Non, avec plusieurs femmes en fait. Bah oui, il faut tourner, Bah oui, bah bien sûr, il sait ce qui est bon. De quoi Amine? Et ça saoule au bout d'un moment, la même fille, faut changer. Bah ça dépend, peut-être que c'est parce que tu tombes sur une meuf qui est pas terrible, alors forcément tu te saoules le... T'es plus vite saoulé, ou si c'est une meuf qui veut toujours faire le missionnaire, t'es encore plus vite saoulé, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ça aussi, évidemment. Genre, tu tapes combien de meufs par semaine ou par mois? Ou par jour? Par jour, 3-4 minimum. Bon, oh, arrête ton cinéma, 3-4 filles par jour, arrête un peu, ça. Hop là. Si tu veux venir avec moi une journée avec moi, tu vas voir. Hein. 3-4 par jour, tu baises. Des différentes. Putain, tu es... T'es mec, t'as du niveau, hein, t'as du level, toi. T'es du high level. Là, cours d'Apollon. C'est vrai qu'il se la raconte pas, tu sais. Un cours d'Apollon, ouais. Au taquet du taquet, tu m'étonnes. Bon, bah, cela dit, si c'est vrai, tant mieux pour toi, hein, tant que tu sors couvert, Amine. Ouais, toujours couvert. Bon, bah, c'est le principal alors. Merci beaucoup, Amine, d'être passé, tu reviens quand tu veux. Ouais, je voulais juste dire, Amine, si t'as des meufs, t'as pas le temps, tu m'appelles, moi je m'en occupe. Hein. Ouais, ça peut être ton bras droit. Hein. Je peux tourner en plus, c'est pareil, je peux tourner. Eh ben, ah, écoute, il fait profiter des potes, c'est cool. Écoute, tu m'ajoutes sur Facebook, on va s'arranger. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça roule. Merci, Amine, d'être passé, à bientôt. Allez, à bientôt. Ciao. 23h, 2h. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Dans une autre dimension. Mickaël est président. Yes, we can. Toff est père de famille. Polo est un gangster. Et Sandro, un petit chaton. Mais dans votre dimension, Mickaël. Ils sont à la radio tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Mickaël No Limit, c'est sur Fun Radio. Comme tous les soirs, on est là de 23h à 2h. Le dimanche également, de 20h à minuit. Il y a Alan du 69 qui a envoyé un petit message. Moi, je suis juste accro à toi, Mickaël. Merci, Alan. Et Victorine, est-ce que je peux avoir une claque car je peux pas vous écouter? Enfin, c'est quoi? Je vous ai pas écouté hier soir. Bah, bravo! T'as raté une pure émission, ah bah ouais. Victorine, hier soir. Comment te dire que, ah, je vais pas dire que c'était l'émission de l'année, mais quand même pas loin, on s'y approchait. Dorian aussi. Fun Radio, c'est la radio qui déchire tous les soirs, 23h, 2h. Je me suis fait engueuler par mes parents hier soir. Parce que je me suis couché tard à cause de Fun, mais c'est pas grave. Oui, en plus t'es sur la bonne voie, Dorian, encore à 23h32 et debout. Mais c'est bien, continue Dorian, c'est comme ça que ça marche, il faut être belle. C'est parfait, le quick est sur la place de l'hôtel de ville. Eh ben, place de l'hôtel de ville? Ouais. Alors, c'est juste en face de la mairie. Alors attendez, parce que pour vous donner le délire, en fait on termine à Neulémine au Wiz Club vers 4h du mat. On part direction Le Havre direct, donc on arrive vers 6h30 à peu près. Le temps de dormir, on va se dire 14h. 14h. Non mais non, parce qu'à 16h faut être au laser alors. Game. Alors 14h, donc on se donne rendez-vous, c'est place de l'hôtel de ville, c'est ça? Place de l'hôtel de ville. Voilà, au quick, très bien, donc devant le quick, hein, voilà, comme ça vous viendrez, et puis Toff paiera son menu Giant. Hop, ah, évidemment. Voilà, on va se mettre bien là. Donc voilà, je vous attends nombreux et nombreuses, hein. Et attention, vous passerez pas deux fois, hein. Pas la peine d'arriver le premier puis après vous remettre dans la file. Je vous surveillerai. On surveillera. Place de l'hôtel de ville, au Havre, donc samedi après-midi à 14h, on sera là-bas. Il y a Alexandre, moi je suis accro aux jeux vidéo et cela me gâche mon avenir et les études. Bah oui, mais attends mec, Alexandre, fais un effort, joue moins alors. Fais des concessions quoi, n'est-ce pas, qui dit je suis accro aux sucreries, tous les bonbons, gâteaux qui traînent, c'est pour moi, je peux plus m'en passer. Et Iguillot aussi qui dit c'est la première fois que j'écoute et j'aime pourrir la tweet list de mes followers. Et ben c'est bien, continue comme ça. Guyotte, c'est bienvenue à toi surtout. À minuit, je change mon pseudo, c'est Jojo du 78 qui a envoyé le message. Elle va très bien Jojo, ben voilà une bonne nouvelle. Alors, on va prendre avant de récupérer Yanis et avant de faire le jeu du je t'emmerde, on va faire les premiers appels de Toff. puisqu'on se demandait justement si vous criez les filles ou pas quand vous faites l'amour, puisqu'on s'est rendu compte que 66% des cas, enfin on, c'est via un sondage, hein, 66% des filles en fait font ça uniquement pour que le mec termine plus vite parce qu'elles s'emmerdent. 87% des femmes avouent l'avoir déjà fait pour satisfaire l'ego du mec. Et pire du pire de chez pire, il y a une partie des femmes qui crient en fait, c'est surtout parce que ça les occupe tellement elles s'emmerdent. C'est dingue, c'est quand même assez violent. Donc on appelle maintenant des gens grâce au numéro que vous nous avez envoyé sur le mail de Tof, toph@funradio.fr, afin de vérifier ce sondage. Ben oui, allons-y. Voilà, on y va. Bien sûr. Ben j'imagine. On y va, on appelle le premier maintenant sur Fun, il est 23h34 et on fera juste après le je t'emmerde avec Mathis et avec Seb qui sont déjà dans le standard, c'est parfait. Allô ? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si votre femme criait pendant que vous lui faites l'amour. C'est quoi encore ce truc ? Ben, c'est une question monsieur. Oui, c'est ça, oui. Et je vous raccroche au nez aussi ? Ah bah non, vous répondez à la question avant monsieur. Non, non. Bah si, c'est pour ça que je vous appelle. Non, non, je vous raccroche au nez. Bah non monsieur, ça se fait pas. Oh là, il a un bon téléphone lui, on dirait Jean-Pierre Sauzère. Bon, on va le rappeler du coup, j'espère que ça ira mieux là. Bon, à mon avis, c'est son téléphone qui est naze. Hein. Ce bruit de masse là. Regardez comme c'est propre là, et puis, quand il va décrocher. Hop là. Oui, excuse-moi. Oui. Je m'excuse monsieur, on a été coupé. Oh là là. Vous savez, on m'a toujours appris. Oui. Je discute pas avec une brouette, je la pousse. Au revoir monsieur. C'est quoi cette expression de merde? C'est pas, j'ai pas compris. On devrait faire un bouquin avec toutes les expressions. On discute pas avec une brouette, on la pousse. Bon, je pense qu'on le rappelle pour lui demander explication quand même. Hein. Bah évidemment. Bah allez hop, parce que c'est là, parti. J'ai pas tout compris. Hein. Bah moi non plus pour le coup. Là. C'est parti, 23h35, on y retourne. On discute pas avec une brouette, on la pousse. Si vous avez des idées, hashtag Mickaël, hein, ce que ça veut dire. Allez. Allez, merde, je veux savoir moi. Oui, excusez-moi monsieur, mais j'ai pas bien compris votre histoire de brouette. Alors si c'est pour une radio, vous êtes vraiment des jeunes cons à vouloir faire des trucs, des canulars téléphoniques comme ça, moi je m'en fous, j'ai autre chose à faire que de répondre à vos coups de téléphone. Au revoir monsieur. Mais vous voulez pas m'expliquer l'histoire de la brouette ? Au revoir monsieur. Non mais expliquez-moi la brouette. J'ai pas de temps à perdre pour vous entendre parler, poser des questions idiotes, pour passer à la radio, je m'en fous complètement. Non, mais donc au revoir monsieur. Non mais je veux juste vous m'expliquer la brouette monsieur. Allô. Ah merde. Oh. Ah bon, on n'aura pas la réponse de la brouette là. Dommage, merde. Moi j'aurais bien voulu comprendre cette expression. Bah oui mais moi j'ai demandé à Google. Bon bah si vous la connaissez d'où les auditeurs là, dites-nous hein. Hashtag Mickaël, il y a Lucas qui a envoyé un message sur le Facebook, là moi je suis accro au quick. Echo également qui dit en gros ça veut dire qu'on parle pas aux abrutis comme Tof. Ah merci Echo. Lola aussi, moi je suis accro au sexe et à la clope. Quelle horreur. Pas du sexe, hein, je parle de la clope. Constance également, perso mon vice c'est de faire chier ma petite sœur. Oh ça va te passer ça. Samia aussi, vous avez presque encore rien fait, je suis déjà mort de rire. Bah merci, je sais pas comment on doit le prendre. Vous avez presque rien fait alors qu'on a commencé depuis une demi-heure. Parce que Tof a une tête de clown. Donc ah elle c'est a, peut-être voilà, ça. C'est la tête de clown. C'est peut-être ça. Il y a tout Romain aussi sur le Twitter qui dit la pâte à tartiner au spéculoos, c'est mon addiction. Ah c'est vrai que c'est bon. Il y a Clem FT1 aussi, accro au coca et au Nutella classique donc. Et Mickaël le patron sur le Twitter, c'est pas moi hein, qui dit moi un pote m'a donné rendez-vous dans un soi-disant restaurant et c'était un bar gay. Oh ça va, ça reste encore gentil comme van. Bon, on continue à parler de ça justement puisque Yanis nous avait appelé par rapport à un pote qui lui avait donné rendez-vous dans une boîte gay pour se venger. Sauf que lui ne savait pas que c'est une boîte gay. Il s'est retrouvé là et le mec n'est jamais venu. Donc est-ce que vos potes se sont déjà foutus de votre gueule à faire des petites blagues comme ça? Ben, appelez-nous, dites-le nous, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. On accueille maintenant Mathis et Seb. Comment ça va? Ouais. Ouais, ça va, salut. Eh ben, soyez les bienvenus, on va jouer au... Je t'emmerde, Je t'emmerde. Ah ben, ça commence bien, Seb, si tu connais pas le nom du jeu. Non, hein. Non, c'était exprès. Ah ouais, c'est ça, ouais, mon cul. Eh, t'en la joue, là? Ouais, vas-y. Voilà, hop, ça c'est pour avoir menti. Bon, Seb et Mathis, vous appelez Mathis d'appel de l'Isère en 38 et Seb t'appelle de Lyon. Ouais. Très bien. Mathis, t'es là? Ouais, je suis là. D'accord, ok, parce qu'on t'a pas entendu, j'ai cru à un moment que tu étais décédé. D'accord, ok, bah bienvenue à toi Mathis. Mathis et Seb, on va jouer ensemble maintenant. Le principe, je le rappelle pour les nouveaux auditeurs, car oui, vous êtes de plus en plus nombreux à débarquer tous les soirs de 23h à 2h. Oui, vous êtes de plus en plus nombreux à vous être rendu compte que vous vous faisiez chier sur les autres radios, et vous avez bien raison d'être passé par ici. Merci d'ailleurs à tous ceux qui font la promo tous les soirs et qui font découvrir à leurs amis, les amis des amis sont nos amis, ouais. Et ils sont nos amis également, qu'il y a quelque chose à écouter sur Fun Radio. C'est Mickaël No Limit, donc c'est Mickaël, il y a Polo, il y a Tof, il y a Sandro, ouais. Et on est là de 23h à 2h tous les soirs de la semaine et tous les dimanches de 20h à minuit. Bon, le principe est donc du je t'emmerde est très simple. Vous êtes deux, Mathis et Seb en l'occurrence ce soir. On va appeler des gens au hasard. On ne sait pas du tout si ça va être un garçon, une fille, un vieux, un jeune. Je ne sais pas du tout à l'avance. Je ne vois que le numéro de téléphone, c'est tout ce que je sais. Et le but, arriver à avoir une discussion la plus logique possible en plaçant un maximum de mots je t'emmerde ou je t'emmerde. Il n'y a pas de je vous emmerde, vous m'emmerdez, blablabla, blablabla. On est d'accord ? Ok. Donc c'est bien je t'emmerde ou je t'emmerde. Et attention, car il y a deux, vous avez droit à deux appels. On commence par, qu'on commence par Mathis, puis on va prendre Seb, et après la pub, vous allez pouvoir recommencer, on prendra le meilleur des deux scores. Ok ? Ok, très bien. Problème. Bon, pour ceux qui n'ont jamais entendu, bah écoutez, vous allez voir, c'est très facile. On va y aller, Mathis, t'es prêt ? Ouais, je suis prêt. Allez, Nintendo 3DS XL a gagné peut-être pour toi. On y va, on appelle le premier. Dès que t'entends plus la musique en dessous de toi, tu dis allô et c'est parti. Je te souhaite bonne chance, Mathis. Et le record de la semaine dernière était de 8 minutes, non ? Non, c'est... C'est quoi ce bordel ? Allô ? Ouais, c'est quoi ce bordel, là ? Ouais, bonjour, monsieur. Je suis désolé de vous appeler à une heure aussi tardive, mais j'ai un petit souci avec vous, en fait. Je viens de rentrer du ski, là, et sur ma voiture, il y avait marqué « Je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde ouais, ». J'ai pas que ça. Sur ma boîte aux lettres aussi, il y avait marqué « Je t'emmerde, je t'emmerde ». Et après, il y avait votre numéro de téléphone qui est décrit. Ouais, donc si c'est une blague, monsieur, c'est vraiment pas drôle, parce que moi, je vais porter plainte, hein. Mais j'ai écrit « Je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde ». Il a écrit trois fois « Je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde » sur votre numéro de téléphone. J'ai autre chose à faire, moi, à cette heure-là, d'accord ? Donc tu trouves d'autres copains que t'emmerdes, mais c'est pour moi, d'accord ? Ok. Ah bah monsieur, écoutez, moi ma voiture, on a écrit je t'emmerde dessus, on l'a toute bousillée, va falloir hop, que je la rappelle. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, terminé, combien alors ? 12 ! 12, oh, je t'emmerde, pas mal pour un début, hein, c'est pas mal ! Hein, ouais, c'est vrai ? Ah oui, je suis con, moi j'ai donné en timing, mais en record de je t'emmerde, ouais, on avait fait un beau score. Ouais, ouais, c'était, il en avait fait, je sais plus, 30, j'ai 40. J'ai oublié, et il y avait le jeu de la rupture, et ça c'était la semaine dernière aussi, où on avait fait 8 minutes, je crois, d'appel, ah, ouais. C'était de la folie. Non, 7 minutes 59, on était à une seconde de 8 minutes. Bon, alors 12, ouais, Mathis, c'est pas mal. Seb, ouais. Allez hop, ouais. Est-ce que Lyon allez. Sera meilleur que Coublevis ? Eh bien, nous verrons. Eh ben, je te le confirme, on y va, il faut faire mieux que 12 pour être tranquille pour okay. La première partie. Je te souhaite bonne chance, Seb, dès que t'entends plus la musique en dessous de toi, tu dis allô. Ok. Allez. Allô ? Oui, allô ? Oui. Oui, bonjour, désolé de vous déranger par une heure si tardive, mais en fait, j'ai reçu une lettre sur laquelle était mentionné votre numéro de téléphone, donc ce serait juste pour voir si c'était une blague ou quoi que ce soit. Donc, je vous la lis ou pas, déjà ? Je sais pas de quoi je vais me parler. Mais... Bah alors peut-être c'est une erreur ou quoi, mais il y a écrit votre numéro de téléphone, alors je vous la lis. Ne raccrochez pas parce que je voudrais régler ça avec vous, parce que j'étais déjà allé au commissariat, je vais vous la lire. Alors il écrit « Bonjour, j'espère que t'as passé des bonnes vacances. Je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde. Moi ça va pas du tout. Je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde. Ça va vraiment pas. Je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde. Je vous lis ça madame, hein, c'est ce qu'il y a écrit. Je t'emmerde, je t'emmerde, il y a écrit au moins plein de fois. Je t'emmerde, je t'emmerde. Je t'emmerde, je t'emmerde, je vous lis. Hein. Il est bon, après, on va régler ça parce que je sais pas d'où ça, quoi ça vient. Alors il écrit ensuite, moi ça va pas du tout en ce moment, j'espère que ça va bien, petit connard, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde. Tu vas trop vite. Bah non, il y a écrit que ça, madame. Je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde pendant tout le truc. Donc j'aimerais savoir si c'est quelqu'un de votre famille ou pas. Parce que là, en fait, je viens de rentrer de vacances, j'ai vu ça dans la boîte aux lettres, il y a écrit de rappeler ce numéro de téléphone s'il y a un problème. Et il y a écrit que je t'emmerde, je t'emmerde. Rappeler s'il y a un problème. Donc je trouve ça un peu inadmissible d'écrire tout le temps je t'emmerde, je t'emmerde. Enfin, je sais pas si c'est vous personnellement, mais en tous les cas, il y a écrit votre numéro de téléphone, c'est pour ça que je vous appelle, et là, il y a écrit que je t'emmerde, je t'emmerde. Hop, on prend pas les derniers, puisqu'il avait déjà raccroché. Alors, ça nous fait combien ? 35 ! Oh là là, là, là, la balade ! Et je crois qu'il y en a un ou deux que j'ai zappé, parce qu'il allait trop vite. Ouais, c'est possible. Bon, ouais, Mathis ! Il y en manque deux, hein. Eh Mathis, ouais, genre. Le mec, ouais. Il a compté. Mathis, la barre est haute, mais... Rien n'est impossible. On revient après la pub, Mathis et Seb. Vous allez remettre le titre en jeu et on verra qui va repartir avec la console à Nintendo 3DS. À votre avis sur le Twitter là, c'est Mathis ou c'est Seb qui va l'emporter là ? Hashtag et Mickaël. Dites-nous tout ça. Et puis nous on va se mettre le son de Cher. Je l'avais promis. Good Kisser. On va se l'écouter maintenant. On l'avait fait découvrir lundi sur Fun Radio. Allez hop là, c'est parti. Le nouveau son de Cher, c'est maintenant sur Fun. I done been around the world, I done kissed a lot of... Fun Radio. Mickaël, nos limites, nos limites. C'est tous les soirs, 23h, 2h. Sur Fun Radio. C'est Fun Radio, Mickaël, nos limites. C'est tous les soirs, 23h, 2h. N'oubliez pas d'ailleurs qu'il y a le Facebook qui marche. Tapez Mickaël officiel si vous voulez par exemple voir toutes les photos de vacances. N'hésitez pas, voilà, on était là, mode pépère, hein, pendant que Paul est en train de regarder des meufs, les yeux bleus sur le Facebook. Mais qui est cette charmante demoiselle? Ah merde, je l'ai enlevé. Attends, ah bah oui, je te confirme. C'était pas une merde hein, pour le coup. Elle est plutôt mignonne. Elle est un peu jeune, mais mignonne. Ouais. Oui, mais voilà, après. C'est pas parce qu'elle est jeune qu'elle est moche. Laura, avec Laura G. Ah, Laura G, voilà, si très tu bien. Tu reconnais, voilà. Tu es magnifique. Oui, voilà, bah, Polo a bien kiffé. Oui, non, oui, tu plais à Polo. Elle est pas, elle est jeune. Elle est jeune, peut-être, mais bon, quand même, elle est mignonne. Oui, mais voilà, voir. Toi, t'as pas vu peut-être, non? Non, je n'ai pas vu. Ah, t'as pas été invité? Mais, non, je n'ai pas été convié. De toute façon, depuis qu'il est wanted maintenant, wanted à la police. Hein, c'est ça, on ne me montre plus rien. Il a dû aller au commissariat, elle a dit. Ils t'ont dit quoi au commissariat? Ah, bah, la meuf était morte de rire. Donc, en fait, faut que j'explique. C'est qu'ils ont d'abord appelé à la radio. Pour savoir qui avait passé l'appel. Donc à la radio ils ont donné mon numéro. Oh les bâtards, la balance. Et donc non mais la meuf, donc elle appelle, elle me fait oui donc voilà, donc je vous appelle au sujet des appels que vous passez à la radio. Tu vois, ouais d'accord. Donc je dis qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, il y a une plainte, mais je peux pas vous dire de quoi il en retourne parce que j'ai quelqu'un devant moi et je peux pas lui lire ça. je peux pas lire ça devant lui. Ah oui, c'était. Espèce d'enculé. Grosso modo. À peu près. Voilà, c'est et, ça. Et donc quand je suis arrivé, elle me fait oui, ça me fait plaisir de vous rencontrer parce que avant je voyais souvent Elliot du matin. Mais donc là ça me fait plaisir de vous voir. Hein. Et ben voilà, comme ça on aura bien tous l'après-midi, on aura fait le tour. Hein. C'est bien aussi, c'est bien. Bon allez Mickaël, nos limites, dites-nous d'ailleurs à quoi est-ce que vous êtes accro? Si vous êtes accro, hormis la clope et l'alcool, à quoi de nocif vous êtes accro? Venez nous en parler maintenant évidemment. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Il y a Antoine qui dit, vous pouvez me faire un petit message de bienvenue, j'en ai jamais eu. Ah bah attends, non seulement je vais faire un message de bienvenue, mais alors tu vas voir de qui en plus, hein, c'est notre nouvelle star qu'on a rencontré il y a 15 jours et qu'on a récupéré avant-hier dans l'émission. Tu me suces de bien. Oui, voilà, c'est ça, c'est notre ami Jean-François. Là, tu fais bander, là. Ah bah j'imagine, oui. Tu fais bander, t'as écouté. Ah ouais. Alors attendez, parce qu'il a, écoutez, il avait dit ça. Je vais me branler, bah écoutez. Voilà, je vais me branler, et bah écoutez, alors écoutez justement. Que c'est glamour. Quelle horreur. Et après il a terminé en disant j'ai joué. Voilà, ça y est, j'ai joué, hein, c'était magnifique. Je mouille. Ah oui, bah tant mieux Jean-François. Bon, et Aurore aussi, coucou toute l'équipe, petit message pour vous remercier d'être là tous les soirs. C'était énorme, encore merci. Moi je suis accro à Fun Radio et à vous en particulier. C'est cool Aurore, merci à toi. Et Terry, moi et mes potes, on est accro à la branlette du vrai bonheur. Mais oui, ça fait pas de mal, au contraire, c'est même très bon. Ça libère les endorphines, etc. C'est une drogue naturelle agréable. Oui, et puis en plus ça aide à s'endormir. Hein. Moi, ouais, c'est comme ça que je me couche, moi. Les endorphines. Y a Marikel, moi je suis accro à Linkin Park, ah oui, j'aime beaucoup. Indul Piu Piu, moi je suis accro à Polo. Oh. Ah bah dis donc. Et Nathan également, je suis accro à la branlette, pareil. Cadera aussi, on parle pas avec une brouette, on la pousse, ça veut dire je parle pas à des cons, je l'emmerde en gros en l'occurrence. Bah voilà, comme ça on se couchera un peu moins con. Et sinon j'avais dit que je vous tiendrai au courant également. Le match du Portugal est fini 5-1 pour le Portugal et 1-0, il reste une minute pour l'Espagne face à l'Italie. 1-0 pour l'Espagne, donc j'avais dit que je vous tiendrai au courant. C'est donc chose faite. Retour avec Yanis dans quelques minutes. Et avant de terminer avec le je t'emmerde avec Seb et Mathis, on a Jennifer qui est avec nous de Paris. Bonsoir Jenny. Salut. Comment ça va ma belle? Ah, il y en a deux, j'ai une double Jennifer. C'est bizarre. C'est Christelle et Jennifer. C'est qui? Christelle et Jennifer. Christelle et Jennifer, très bien les filles. Ouais. Bon, voilà. Ça va? Bah, en pleine forme, vous avez fait quoi aujourd'hui? Bah écoute, on est en vacances dans le sud là, à Tarbes, et puis voilà, on a entendu l'émission en revenant de soirée, donc on s'est dit faut qu'on réagisse là. Ah bah vous revenez de soirée à 23h50, vous, c'est l'éclat total chez non, vous hein. Mais non, familiale, c'est une boum de jour. Ah oui, c'est la boum de jour. Ouais, c'est la boum de jour, voilà. C'est la soirée champomie. Exactement. Alors les filles, est-ce que vous avez votre radio allumée ou le haut-parleur? À mon avis, le haut-parleur. Ouais, on a le haut-parleur vu qu'on est deux. Ah bah ouais, parce que du coup, forcément, ça fait un petit écho assez désagréable, mais c'est bien parce qu'on a deux filles en même temps qu'on ouais. on va tolérer le haut-parleur. Oh, j'adore cette ambiance, c'est chaud, ah ça sent. Ouais. Ça... On est bien. On est bien comme chaud, ça. Là. On est bien comme ça. Bon, donc justement, vous vouliez réagir, vous, par rapport aux cris, donc on s'était rendu compte avec les appels de Toff. Dans oui. 66% des cas, pour les filles crient, en fait, pendant l'amour. pour jouir, pour que le mec jouisse plus vite afin de passer à autre chose parce qu'elle s'emmerde. 87% des femmes avouent l'avoir déjà fait pour satisfaire l'ego de leur mec. Et le pire du pire, il y a une partie des femmes qui le font, justement, le fait de crier. Et ben, c'est surtout parce que ça les occupe tellement elles s'emmerdent. Alors, Jennifer, quel est ton avis? Nous, on fait partie des 87% des filles qui crient pour que ça aille plus vite, en fait. Ah bon, mais pas. Oui, vous êtes tombé sur des mecs chiants, c'est pas possible. Mais non, mais c'est chaud. En fait, non, mais on a réagi à l'émission parce que on a parlé de ça il y a 2 jours. Ouais. En descendant dans le sud. Et on s'est dit, oh, c'est un truc de fou, on s'est tapé une barre quand t'as dit ça, on s'est dit, waouh, mais c'est trop ça, en fait. T'as vu, hey, on est connected. Mais c'est trop ça. T'as vu ça? Et hop donc, là. Alors, t'es en train de te. Attends, excuse-moi, tu me rappelles ton âge? 25. 25 et 25. Ah, parfait. Et alors, t'es en train de te faire fourrer, là? J'utilise des termes basiques, moi je suis basique. Ah ouais, c'est vrai. Bah non, ils sont. Fourré. Bah non, il y a deux filles. Bon, les deux. Et puis, vous vous ennuyez un moment? Mais c'est pas qu'on s'ennuie, c'est que au bout d'un moment, c'est trop long. Et vous voyez, donc les mecs qui arrivent en disant « Oui, j'ai une grosse bite, je tiens 2 jours !» Ah ouais, mais ça fait chier tout le monde, en fait. Ouais, mais ça emmerde le mec, ça emmerde la meuf, et ça fait chier tout le monde. Une seconde, parce que moi, je tiens à rétablir tous les mecs qui sont maltraités par Jennifer. Combien mesures-tu, Jennifer? Fais-nous une doublette, là. Combien mesures-tu, Jennifer? Je suis toute petite, 1m63. Combien pèses-tu, Jennifer? Bon, ça va, hein. Je dis pas, c'est un secret. Combien pèses-tu, Jennifer? Trop, laisse tomber. Oui, mais c'est combien en chiffres? On aime les rondes. Ah, non, mais un peu. Vas-y, j'aime ça, moi. Combien? De quoi? Combien? Mais je dis pas. Vas-y, pas j'aime ça, moi. Quel est ton tour de poitrine? Bon, ça, tu peux dire. Allez, le tour de poitrine. 95C. Oh. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Ça explose en bouche, ça, c'est bon, ça. Bon, stop, on va attendre la suivante. Ah, alors, Christelle, hein. Christelle, combien mesures-tu? 1m73. Combien pèses-tu? Ah, ouais, là, ça culmine tout de suite beaucoup plus haut, là. Ouais. Moi aussi, je dis pas mon poids. Ah, ouais, d'accord, ouais. Bon, quel est ton tour de poitrine? 95D. Ah, D, oui. Comme Denise? Ouais, tout à fait. Ah, oui, elles sont dans la voiture des boobs, c'est la boobs car. Et la taille du pantalon que tu as acheté? 42. Oh. Eh, t'imagines que cumulées, elles sont quand même à du F. Ouais, c'est ça. Du 185F. Oh, oh, tous ces gros. Il y a moyen de se faire une bonne branlette espagnole. Ah bah ouais, là. La tête, je me branlerai la tête, moi. T'imagines, ouais. Le mec, il cumule les seins des meufs. Il y a 2 meufs. Alors, cumulé, on arrive à du E. Ouais, génial. Ouais, moi, je vous donnerai un conseil, les filles. C'est quand vous en avez marre, finissez par une branlette espagnole. Hein. Je suis sûr, le mec, il finit tout de suite. Hein. Ouais, c'est clair. Et puis, cela dit, les filles, après, quand vous sentez que vous en avez marre, vous pouvez le dire au mec de pas tenir pendant 3 heures. Hein, parce que nous, dans l'idée, on tient longtemps. Bon, parce que c'est chouette, mais je veux dire, on essaie de tenir longtemps. Longtemps pour vous faire plaisir, mais si ça vous emmerde, nous on demande pas mieux de terminer en 30 secondes. Hein. Bah ouais, d'aller dormir ou lire un bouquin. Ah non, mais il faut pas, y a pas de vexé qui tienne. Moi si je peux dormir. Ah bah ouais, attends nous si on peut tirer un coup et après roupiller, on est pas mal. Hein. C'est ça, les filles, elles se plaignent tout le temps, quoi. C'est-à-dire, quand on fait vite, ah, là, c'est trop lent, machin. Après, ah non, c'est trop long, je me fais chier, je crie pour qu'il arrête. Tof, t'es content maintenant avec ta minute? Ah ouais, moi, je suis au top, là. Maintenant que je sais ça. C'est ouais. Ouf, j'adore. Tu sais, maintenant, quand je finirai trop tôt, je dirais, ouais, mais ça t'a évité de crier pour rien. Ah, voilà, c'est ça. Ouais, c'est pas mal. Bon, mais merci, les filles, je vous fais des gros bisous. Est-ce qu'on peut avoir le pack fun? Mais bien sûr, on mettra des capotes, vous allez pouvoir les utiliser à Tarbes, ça va être la folie. Bah ouais, c'était un plaisir de passer à la radio. Eh ben, c'était un plaisir de vous accueillir. Gros bisous, les filles, je vous embrasse. On vous adore, merci. Salut, je vous embrasse. Eh, vous voulez parler à Gilou? Allez. Eh ben, écoute, très bien. Oh, arrête de me faire manger. Ah, mais non, Gilou, il y en a deux, d'accord, ok, mais quand même. Eh, les filles, il y a Gilou qui a une question à vous poser. Oh, j'aime le sperme. J'adore ça. Ah, très bien. Eh ben voilà. Oh, arrête de me faire manger. Voilà, c'est par ça qu'il aurait dû commencer. Ouais. Gros bisous les filles, je vous embrasse. Gros bisous. Salut, bye bye. Salut. Bon allez, appelez-nous les autres aussi. 01 42 48 5000 et 051 4x0. Il y a Marie-Kel qui dit, moi je crie parce que je pense à Mickaël et Polo ensemble. Ah, ça doit être bon ça. Quelle angoisse. Ne me mets pas dans le même rêve que Mickaël. Tu ne m'aimais pas effectivement. Et Echo qui dit, la boobs car, tu m'as tué Mika. Bah c'est clair. Attends, hey, tu rigoles ou quoi? Il y a du C et du D en même temps là. C'est scandaleux. Brandon qui dit, je suis accro au Dragibus. Et du Gamerflox qui dit, Polo, tu peux mettre tes lèvres baveuses, juteuses, pulpeuses sur ton instrument médiéval. Le pipeau, ceci pourrait stimuler mon orgasme. Oh mon dieu, quel orgasme! Bon, bah alors allons-y. Bah ouais, hein. Attends. Alors attention. Non, je le dépousse. Voilà, j'espère que tu as bien eu ton orgasme. Célia qui dit aussi, j'adore quand tu dis Jean-François. Jean-François. C'est ça, c'est en même temps, c'est comme ça qu'il dit, Jean-François. Jean-François. Et Simon également, moi je suis accro à votre radio, bah, c'est plutôt cool. Et Jojo qui dit, c'est la Boobscar mort de rire, vous êtes des ouf. Non mais c'est vrai en plus. Bon, allez, on va se faire la suite maintenant du Je t'emmerde, on aura les teubés de la télé dans 5 minutes. Mathis et Seb, vous êtes de retour? Ouais. Parfait. Bon, est-ce que vous auriez bien voulu être dans la Boobscar là à l'instant, là, la voiture remplie de seins? Ah ouais, ah bah pourquoi pas. Oh putain, le 90C, le 95D là. C'est kiffant. Ah, ah ouais. J'aurais bien voulu être le levier de vitesse. Ah bah oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Enfin. Bon, Mathis qui a donc fait combien de je t'emmerde, je me souviens. Alors plus. Mathis, il en a fait 12. 12 et mes Seb de Lyon. 35. 35 et Seb t'es en train de gratter 3 là, t'es sérieux là quand même? Il mériterait qu'on lui enlève 1. Oui, exactement. Non, non, non. Si. Eh bien on valide 34. Voilà. Voilà. Fais non. Pas le malin ici, c'est pas toi qui décide, c'est Mickaël le chef. C'est pour l'excès de zèle. Ah bon, on y va. Alors, Seb, du coup, c'est toi qui commence. T'es prêt? Okay. Alors, attention, la règle que je n'ai pas rappelée tout à l'heure, il est interdit de récupérer le même système. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, tu peux pas raconter la même histoire à l'autre personne. Tu dois changer ton histoire. Ça va être dur. Hein. Ah bah, je confirme. Bon, enfin, t'as un peu d'avance, donc t'es tranquille. On y va, c'est parti. Mathis, réfléchis bien. On appelle, comme tout à l'heure, Seb. Et dès que t'entends plus la musique en dessous de toi, tu dis allô. Allez. Suite et fin du Je t'emmerde. Et on écoutera Dibi Dibi Sound juste après. Ah, j'y ai cru. Bah alors? Bon, je crois qu'on va... Allô? Oui? Oui, bonjour. Désolé de vous déranger par une heure aussi tardive, mais en fait, j'ai reçu un email avec votre numéro de téléphone. Ah bon? En fait, je vais vous la lire parce que là, j'avais déjà fait une procédure en justice au commissariat parce que je reçois tout le temps des mails avec des insultes. Et à chaque fois, ça contient votre numéro de téléphone, donc j'aimerais voir si ça peut être quelqu'un de chez vous ou pas. Non, c'était Seb. Hein. Donc, je vous lis ou pas? Vous avez fait une lettre, et là, c'est un mail. Le numéro de téléphone serait dans un mail. Bah, en fait, alors, il y a écrit, je vous lis, hein, c'est que des insultes. Il y a écrit, je t'emmerde. Et après, il y a écrit, votre numéro de téléphone, merci de me rappeler si vous avez un problème, quelque chose à redire. Après, il y a écrit, je t'emmerde. À chaque fois, il y a écrit ça, je reçois tous les jours des mails, donc, je sais pas qui c'est qui pourrait faire ça. Je t'emmerde. Là, je reçois ça à minuit, je suis un peu dégoûté de recevoir, je t'emmerde tout le temps, que des je t'emmerde, en fait. Donc voilà. Plus, je vois pas, je, là regardez, je vous lis, il y a écrit je t'emmerde, là je suis sur mon iPad Air, il y a écrit je t'emmerde. J'en ai précise, iPad Air. Je t'emmerde. Là je vous lis, hein, monsieur, hein. je t'emmerde tous les jours. Je t'emmerde toute la journée. Mais il est parti, t'emballe pas. Bon, il nous a fait combien alors? 38. 38, record battu, très bien. Mathis. Ouais. Bon ben mec, il faut faire 39 là pour gagner là. Ouais. Ouais, ça va être chaud, mais bon, tout courage. Est possible. C'est possible. On y va, Mathis, à ton tour. Dès qu'il n'y a plus de musique en dessous de toi, tu dis allô. Allez, bonne chance. Merci. On y croit. Hein. Pas trop, mais on y croit. On sait jamais. Oui, oui. Allez. 39, score à battre. Allô. Oui, bonjour. Oui. Oui, bonjour, commissariat de police à l'appareil. Oui. Oui, je vous appelais, monsieur, pour une plainte de plusieurs personnes qui ont reçu des messages de votre part avec votre numéro de téléphone en disant comme quoi il y avait des insultes, je t'emmerde. Apparemment, vous envoyez beaucoup de messages avec marqué je t'emmerde. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ceci, monsieur? Ouais, bah y a pas de souci, mais depuis ce téléphone-là? Bah oui, apparemment, monsieur, il y a 3 personnes qui sont venues se plaindre en disant que de votre portable, ils recevaient des messages qui disaient je t'emmerde, toujours en boucle, je peux pas vous l'expliquer du tout, là, c'est clair et net que ben, moi j'utilise pas du tout ce téléphone-là pour envoyer des textos, ni rien, donc c'est un téléphone fixe. Monsieur, il y a aussi eu des mails, hein, avec votre numéro de téléphone qui disait je t'emmerde. Donc je sais pas ce qui se passe. Soit vous faites pirater, mais c'est bizarre de recevoir des je t'emmerde. Toujours en boucle des je t'emmerde. Moi, je comprends pas, monsieur. Il y a 3 personnes qui sont venues se plaindre hier, aujourd'hui, la semaine dernière, et il y a 2-3 jours. Donc, moi, je vous appelle parce que ça devient inquiétant de recevoir des « je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde » tout le temps. Tout le temps, des « je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde ». Non, ben là, je sais pas. C'est... Et puis, de parce qu'en fait, c'est... Enfin, je sais pas, c'est... Tu fais ça, mais c'est... Il faudrait faire une analyse, parce que c'est inquiétant de d'envoyer des « je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde ». Toujours des « je t'emmerde ». Puis là, c'est 3 personnes, 35. Mais autant, il y a d'autres personnes qui ont reçu des « je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde ». De quel commissariat ? De quel commissariat vous appelez ? 37. Le commissariat de Castres. De Castres ? Oui, monsieur. Toujours des « je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde ». Des « je t'emmerde » en boucle, des « je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde ». En fait, c'est un jeu que vous faites ou je sais pas, non, c'est... Non, monsieur, c'est pas du tout un jeu, c'est juste que ça commence à m'exaspérer de recevoir des personnes dans mon bureau en me disant qu'ils voulaient renvoyer des mails en disant « je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, mais je t'emmerde ». Mais vous rendez compte de ce que vous dites, c'est... Il est mauvais, hein. Ah, monsieur, je me rends... Monsieur, mais c'est pas normal que vous leur envoyez « je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde ». Je vais vous laisser. Monsieur, je t'emmerde, ça suffit maintenant. Hop, hop, hop, hop, hop. Eh ben, on prend pas les deux derniers, en l'occurrence, là. On prend pas les deux derniers, il avait déjà raccroché. Bon, alors, Seb, il en a fait 38 et il fallait faire 39 pour gagner. Alors, Mathis, donc, t'en as fait combien, Toff? Voilà, c'est du lourd. Hein. Combien? 52. Oh là là! Oh oui! Oui! Oh la balade! Putain Mathis, et franchement, bien joué. J'y croyais pas, sur le Twitter on avait misé sur Seb également, là, putain là, 52! Waouh! J'y croyais pas non plus. Et en plus, en ayant joué le coup du commissariat, je me suis dit, quand t'as dit commissariat, je me suis dit le mec est mort. Ouais. Le mec est mort, il va se faire accrocher au nez. C'est passé pour un pic et ça passe bien ça. Ah ouais, c'est passé crème. Hein. Ah et c'est passé c'est passé crème de chez crème. C'est passé vaseline même. Eh ben bravo à toi Mathis, hein, bravo pour la console. Bien. Nintendo 3DS XL est pour toi. Et puis bah Seb en tout cas c'est super bien joué aussi, on va quand même te filer un pack fun, ok? Ok, papa. Ouais, bravo, c'est bien joué. Bon bah salut, il est fair play, c'est bien. Salut à vous deux en tout cas, merci d'avoir joué avec vous. Avec nous. Oui Mathis. Est-ce que je peux passer une dédicace s'il te plaît? Allez, vas-y, choisis la bonne personne, c'est une seule hein, que tu dois choisir. Bah grosse dédicace à Camille qui a nettoyé ma gerbe hier soir. Mmh, sympa. Eh ben bon appétit bien sûr. Bon salut Mathis, salut Seb, à bientôt tous les deux. Oui. Allez ciao à toi, ciao à vous même. Marion avec la colle dans quelques minutes, retour avec Yanis, Kevin qui veulent nous parler de ce à quoi il est accro, Nicolas qui voulait réagir à Yanis par rapport à la boîte gay, et puis bah tous vos messages encore qui arrivent avec le numéro de téléphone également 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique pendant que le studio est en train de se démonter à moitié. Et voilà, Toff, encore une fois Toff. Oui, c'est Voilà, on a remis la planche droite, c'est bon, maintenant elle tient, tout va bien. Allez, restez sur Fun Radio, on est là jusqu'à 2h sur Fun. Pendant que certains braquent des tirelires, que d'autres s'inventent des vies, Mickaël, lui, tel un justicier, vous donne la parole. Il est plus gros qu'à nous. Mickaël Olivier. Tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. C'est Fun Radio, 23h, 2h. Allez, Mickaël No Limit, tu auras Polo contre le reste du monde tout à l'heure sur Fun vers la fin de l'émission, un petit peu comme d'habitude. Et puis tous vos messages également qui arrivent. Il y a d'ailleurs Abdel qui dit « Moi, je suis le premier Hongrois qui vous écoute, ça mérite un message de bienvenue. » Ah ben, bienvenue à la Hongrie qui vous écoute alors sur funradio.fr. Allez, hop là, un petit message de bienvenue. Qu'est-ce que je peux te mettre comme message? Oh, un sale. Bah attends, il mérite. En termes de crasse, on a quand même notre nouvel ami... Celui d'hier là. Ouais mais attends une seconde, attends. Voilà, ou j'ai même encore celui-là. Ça que tu aimes, hein, te faire autonomiser toi, hein. Eh oui, il aime bien ça. Attends, j'ai peut-être même éventuellement faire mieux là, voilà. Culé à. Eh oui, culé à. Va niquer ta mère. Eh oui. Mais je vais me masturber sur ta gueule, le gros PDA, tu vas voir. Ça te fait tout drôle là. Voilà, donc très sympathique. Constance qui dit, moi je suis accro au chewing-gum, faut toujours que j'en ai un dans la bouche, même quand je vous écoute la nuit d'ailleurs. Et Alex qui dit, vous êtes vraiment trop géniaux les mecs, merci beaucoup. Le Doc Coco aussi, moi je suis accro au coca, 2 bouteilles de 2 litres par jour, putain, 4 litres mec. Bah, tu dois passer ta vie sur les chiottes déjà. C'est ouf. C'est la première chose. Et son foie doit être abîmé. Grave. Benji aussi, moi je suis accro au café Mickaël, une à deux cafetières par jour. Et wow. Antawan aussi, mon père aussi, il utilise l'expression de la brouette. Ah ouais, eh, pour le café en même temps, c'est-à-dire que Polo est venu dormir chez moi un week-end, comment vous expliquer qu'il a bu 10 Nespresso, 10 capsules, 10 cafés Nespresso, ça m'a coûté un bras. C'est pas vrai. Ah bah ouais. J'ai pas bu tant que ça. Arrête, bah 10 mec, en une matinée. Alex qui dit vice de. Moi j'ai le vice de la console. Tof aime la sodomie sur le Twitter qui dit les gars, le coca cherry c'est la base. Oh, je suis pas fan moi, j'en avais acheté un jour, j'ai tout donné à Tof. Apollo. Ouais. Kevin aussi, addict au Nutella. Et Victor qui dit je vous écoute depuis lundi, gros kiff, ça motive pour les cours. Je vous adore, un petit message d'amour pour ma bienvenue. Un message d'amour pour ma bienvenue, Victor. Mais il se la remet un peu. Bon, alors attends, je vais t'en mettre un. Tu dois y aimer les bons casques militaires dans ton cul, toi. Hein, ah oui, tu dois les aimer, à mon avis, Victor. Hein. Et enfin, la petite fée aussi. Sur le Twitter, mon téléphone, je suis accro au téléphone. Hashtag Tof enculé. Très bien, je vais finir par être en top tweet, ce hashtag-là, quand même, hein, finalement. Ça me fait plaisir. Allez, minuit 11, on fait vite un point sur le top tweetos avant de faire le point sur les teubés de la télé. Top tweetos donc, quels sont les 5 premiers pour l'instant, quels sont les auditeurs les plus influents sur le Twitter de l'émission? Je rappelle que le premier repartira avec un sextoy offert par Passage du désir.fr. Alors quel est le numéro 5? Laélien. Laélien, c'est un nouveau, en tout cas récent. Oui. Bienvenue à toi. Numéro 4. Tof aime la sodomie. Voilà. Numéro 3. Hugo Réo. Numéro 2. Paul PC. Et numéro 1. Drakit. Drakit qui est numéro 1 ce soir. Pour l'instant en tout cas. Je rappelle qu'on clôture ça à 2h du mat et on voit donc quel est l'auditeur le plus influent, quel est l'auditeur le plus fidèle, le meilleur auditeur de l'émission tout simplement. Pour tenter de monter dans le classement, il suffit de mettre un maximum de messages avec le hashtag et Mickaël sur le Twitter de l'émission. Et puis on va parler des teubés de la télé maintenant. Hein. Vous le savez, on aime aller voir ce qui se passe à la télévision, surtout dans les émissions qu'on peut également appeler émissions de cassos. Oui. Bon, y a pas que émissions de cassos. Non, hein, mais il y en a beaucoup quand même. Ouais, y en a beaucoup. Hein. Là, c'est dans Comment ça va bien. Alors, évidemment, celle-là n'est pas une émission de cassos, on va pas complètement. Stéphane Bern qui explique ce que lui fait son coiffeur. Mon coiffeur, au moins, il met le doigt, lui. Ça m'étonne. Ça nous regarde pas, Stéphane. Le coiffeur de Stéphane Bern lui met un doigt donc, oui, pendant qu'il lui fait la coupe de cheveux. Bah, pourquoi écoute, pas. Il fait ce qu'il veut. Hein. Bah oui, complètement. Et donc, canapé quiz sur TMC, il faut deviner le mot psychologue. Le médecin de la tête, le docteur, le gynéco, non. Le gynéco, ouais, d'accord. Ouais, parce que le médecin de la tête, c'est le gynéco, c'est bien connu. Eh oui, comme quoi. Hein. Ouais. Et si vous cherchez des mots doux à dire à votre copine, eh bien, j'ai enfin ce qu'il vous faut. Alors moi, j'en suis à votre concubine déclare que vous l'insulteriez en la traitant de grosse connasse, de pute, de salope. Si t'es pas content, dégage, tu peux crever la bouche ouverte, je te pisserai dans la bouche. Oui. Alors ? Eh bah c'est beau. Alors oui. Bah je pense qu'on m'a demandé mon avis, je la donne. Je pense que c'est beau, effectivement. C'est magnifique, on sent l'amour. Ah oui, cette phrase. Complètement et tout est dit. Bon, on va terminer avec à quoi vous êtes accro. Il y a Maxime avec nous là de Surgères en Charente-Maritime. Salut Maxime. Salut. Comment vas-tu? Très bien. Bon bah bienvenue à toi Maxime. Alors t'es accro à toi, à quoi toi, dis-moi? Bah tout ce qui est sucre, bonbons, boissons gazeuses. D'accord. Tout ce qui est bon. Alors bonbons, mais genre tous les gâteaux, tous les bonbons, c'est quoi? Parce que moi j'adore les bonbons, mais pas tous. Tout. J'aime bien les espèces de petites cerises acidulées, mais il n'y a qu'une seule cerise. De quoi? T'as déjà mangé des canards en sucre? Des canards en sucre? Non. C'est des bonbons vietnamiens. Ah non. T'en manges 5, déjà ça te gonfle dans le ventre. Ah bon? Ah je connais pas. Ah ben, n'essaye pas surtout. Ah d'accord, c'est dégueulasse à ce point-là? Non, c'est pas dégueulasse. Tu risques de gerber tellement que t'auras mal au ventre. Ah oui, ah ouais, bah donc il faut pas le faire. Tu nous as donné envie là. Ah ouais, grave. Moi j'aime bien les petits coca aussi, les petits coca acidulés Lutti. Attention, pas n'importe lesquels. Voilà, parce qu'il y en a qui sont dégueulasses, des petits coca. Quand ils sont gros et grands et gros comme ça, ils sont pas très bons. J'aime bien les tout petits avec attention, le dessus de la pseudo-bouteille en gris clair. Pas en gris foncé. Ah, bon ah ouais. Ouais. Ah non, mais c'est important. Que... Non mais je veux pas critiquer, mais il y a par exemple ceux du Monop ou des trucs comme ça, la marque la marque de la chaîne. En général, c'est des petits coca, ils sont dégueulasses quoi. Donc ceux de Lutti, le noir est bien noir et le blanc est bien blanc. Et ceux-là sont bons. Voilà. Donc c'était. Tu vois, par exemple, aujourd'hui j'ai acheté avec un pote, on a acheté une poche de 2 kilos de langue de chat. J'ai mangé 1 kilo avec lui. On a mangé 1 kilo à deux. Oh ah oui, quand même. Avec des Mamie Nova. Ah oui, oui, toi t'es un ouf dans ta tête en fait au final. Moi j'ai un problème aussi, c'est vrai qu'en termes de bonbons j'ai un problème avec ça. Alors j'aime pas beaucoup de bonbons, mais ceux que j'aime bien je peux les bouffer comme un ouf. Et le problème c'est que quand je suis en voiture par exemple, si j'ai un long trajet à faire, ou même chez moi ou même partout, si j'ai un paquet de bonbons, bah je vais le finir. C'est-à-dire qu'au début, je vais manger, je vais kiffer. Et à partir du quart ou de la moitié, j'en aurai vraiment plus envie, mais je vais quand même les bouffer. Jusqu'à ce que j'en ai vraiment, mais bah, j'en ai plus envie, quoi. Mais je les bouffe quand même et je vais finir le paquet jusqu'à ce que ce soit vraiment au bord de je vais gerber, quoi. Je comprends pas. Mais moi ça me fait ça parce que je ne supporte pas de garder par exemple une tablette de chocolat, j'aime pas la ramener chez moi. Et donc je la bouffe entière, c'est bizarre, hein, et je la bouffe entière pour pas l'acheter. Oh, non mais c'est vrai, tu vois. C'est surtout que j'ai tout le temps la dalle en permanence, j'ai tout le temps la dalle et je prends par exemple. Ouais, bah écoute, pourquoi pas après, hein. Attends, il y a Dorian aussi sur le Facebook. Arrêtez de parler bonbons, ça me donne envie. Bah moi aussi, mais j'en ai pas là. Et Aurélien, un petit coup de pelle s'il te plaît pour mon frère qui me fait chier. Bah bien sûr, avec plaisir, tiens, hop là, voilà. Bon, reste avec nous Maxime, il y a Kevin de Lyon également qui est là, salut Kevin. Salut Mika. Comment ça va? Ça va, ça va. Bon bah bienvenue à toi Kevin. On va parler de tes trucs où t'es accro là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà, très bien. T'es accro à quoi? Au sport. Ouais. Ah, et c'est mieux que les bonbons, hein, note, hein. Tu vois, t'as vu la différence, voilà, là? Moi aussi, pareil, j'aime bien le sport. J'aime bien le sport, sauf qu'après, j'ai des problèmes. Je me tue à la musculation. Ça, c'est quoi? Je me tue à la musculation. Je passe presque mes après-midi à la musculation. C'est comme une sorte de drogue, voilà. Sans ah, tu sais que c'est pas bon, hein? Ouais, c'est pas bon, ouais, hein. Ouais, je sais, mais là, j'ai pris. Franchement, j'arrive pas. Oh mais là t'inquiète pas, moi je fais des trucs naturels, hein. Je m'injecte des stéroïdes, je m'injecte des trucs que je trouve dans des on a un pote des grosses boîtes. On a un pote comme ça. C'est quoi des stéroïdes? Tu disais? On a un pote en commun, ouais, ouais, on bah va oui. pas donner son nom. En bah fait, si on l'appelle l'espagnol. Et l'espagnol en fait il a pas de muscle, il a pas de force dans les mains. Il est flat, il ressemble à rien, il est... Mais par contre il a des gros muscles parce qu'en fait il prend plein de produits, quoi. Voilà, c'est ça, donc il a des problèmes de reins maintenant. Alors qu'en fait tu souffles dessus, il tombe, quoi. Mais c'est voilà, c'est juste que esthétiquement t'as l'impression qu'il est balèze. Je me souviens, j'avais déménagé chez moi. J'avais dit, tu vas me filer un coup de main. Ouais, pas de problème. Il est arrivé, il a porté un meuble, il s'est reposé pendant une heure. Il était fatigué. Oh là là, je dis, mais t'es sérieux là? Mais censé. T'sais, tu ressembles à Musclor et au final, rien, quoi. Y a rien, c'est que de la gonflette. Mais c'est ouf, c'est que les mecs ils passent leur vie à la salle quand même. Mais oui, mais c'est ça. La boîte qu'il a acheté là, mais Monster Hulk ou je sais pas quoi. Un truc aux États-Unis, tu sais, dans les. Comment on l'appelle la boîte? C'est de la protéine, dis-moi. Bah oui, c'est de la protéine, voilà, c'est ça. Mika? Ouais, Kevin. Je voulais dire non parce que moi en vrai c'est comme une sorte de drogue, j'ai pris rendez-vous même de voir un psy parce que c'est pas normal. Si c'est normal parce qu'en fait quand tu fais de la muscu tu dégages une espèce, je crois que c'est pas l'endorphine, ça dégage un truc qui fait que t'en as besoin. Mais c'est ce qu'on m'a expliqué, mais c'est normal, là, hein. Franchement c'est bah il faut peut-être diminuer petit à petit, c'est genre tu fais une heure par jour, fais 45 minutes et t'essaies de diminuer un petit peu. Non franchement minimum deux heures moi. Ah deux heures, bon bah t'essaies de diminuer un petit peu, t'essaies de faire 1h45, je sais pas moi. Ouais, bah là j'ai rendez-vous là, je vais en parler avec un psychologue. C'est pas plus mal, j'ai mis un truc qui va te coûter un peu cher, mais ça va te résoudre tous tes problèmes. Enfin, ça va te créer d'autres problèmes. Trouve-toi une meuf. Ouais. Mais ça, c'est vrai que ça coûte un peu plus cher. Et si elle fait bien, la cuisine, tu vas voir, t'auras plus ces problèmes d'abdos à entretenir. Non. T'emmerdes pas, va. C'est accessoire, rien à foutre. Ça pose pas de problème. Bon, mais merci Kevin et Maxime d'être passés. Bon, venez quand vous voulez. Je peux faire une dédicace. Allez, vas-y. Ouais, c'est une dédicace à mon pote Yasleb. Très bien, Kevin. Et voilà. Eh ben, le message est passé, y a pas de problème. Salut Kevin. Salut Kevin, à bientôt à Lyon. Ciao. Ouais, Maxime. Maxime, je t'écoute. Y'a possibilité d'avoir un pack phone? Bien sûr, évidemment. Pourquoi tu dis ça avec on dirait qu'on a enterré toute ta famille là, ouais, Maxime, là, c'est pas grave. Bah non, parce que d'accord, je lui passais la radio. Ah bon, écoute, bah t'as bien fait. Bah écoute, bienvenue à toi Maxime, on va te filer ça, tu restes au standard, on va prendre tes coordonnées, ok? Ok. Salut à toi. Mickaël, No Limit, tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Fun Radio. 23h, 2h. Fuck! Mickaël No Limit. I don't fucking care. Sur Fun Radio. Fun Radio. C'est Fun Radio et c'est Mickaël No Limit sur Fun tous les soirs de 23h à 2h, le dimanche de 20h à minuit. N'oubliez pas de passer le message autour de vous. Et puis je vous avais dit également qu'aujourd'hui c'était une mission normale. Hein. On a eu évidemment le je t'emmerde tout à l'heure. Et puis nous aurons dans quelques minutes le karaopé. Et puis on va également récupérer Yanis qui nous avait appelé en début d'émission parce que il a fait une connerie, il a tué la voiture de son pote. Et son pote, pour se venger, qui était quand même une vengeance plutôt cool de sa part, t'a donné rendez-vous dans une boîte. On t'a pas précisé que c'était une boîte gay, bien entendu. T'es arrivé là-bas tout seul et puis forcément... Tu as découvert une nouvelle sexualité. Peut-être, par exemple. Et donc il y a Nicolas qui est avec nous également d'Angers. Salut Nico. Salut Mickaël, salut toute l'équipe. Comment ça va Nico? Ah bah ça va très bien et vous? Eh ben écoute, on va plutôt pas mal hein, Nico. On va même très bien Nico. Alors, tu voulais réagir à Yanis toi? Est-ce que tu t'es déjà fait avoir par un pote? Genre une petite vanne sympathique? Ouais, je me suis en fin de compte, mais bien fait avoir. En fin de compte, j'étais à l'internat, ça s'est passé il y a quelques années de ça. Ouais. Et en fin de compte, c'était un mercredi matin. Et j'ai les camarades de classe qui m'ont fait un coup foireux. Et ils m'ont dit, ouais, le prof et tout, ce matin, il parlait et tout. Du coup, vous avez permanence. Enfin, on avait le prof 4 heures, en fait. D'accord. Donc, du coup, il n'y a pas cours. Ouais. Et je dis bon bah super cool, pas cool, on peut se balader dans la ouais, on peut être en cours quoi. Mm-hmm. Et sauf que je pars pour aller en quoi et peut-être 5-10 minutes plus tard, je vois le prof en question qui était en train d'aller vers le lycée quoi. Et là j'ai compris qu'on m'avait fait un gros coup foireux quoi. Ah bon? Ah ouais. C'est bon ouais, ça. Ouais. Et du coup t'as eu quoi? T'es dans la merde ou pas? Bah ouais, en plus il y avait contrôle ce matin-là, donc je suis arrivé en retard, j'ai une demi-heure de moins pour le faire, mais j'ai eu de la chance, je me suis pas bouffé une sale note, quoi. Eh ben écoute, ça va, t'as eu de la chance quand même, au final. Ouais, un peu. Et du coup, bon, t'as dit quoi à ton pote? Ta mère, hein. Tu l'as dit ou pas, ça, non? Non, mais bon, je l'ai voulu un peu quand même, quoi, parce qu'en fin de compte, c'est pas un seul, c'est plusieurs qui m'ont fait le coup, en fait. Ah donc, oui. Je leur en ai un peu voulu quand même, mais bon. Ouais, mais s'ils te l'ont fait, tu dois savoir pourquoi, à mon avis. Bah non, le pire c'est que je faisais chier personne en fait. C'est ça, oh genre le pauvre. Non. C'est vrai, je faisais vraiment chier personne. Ouais. C'est plutôt on venait me faire chier en fait. Ah oui d'accord, t'es la victime quoi. Ouais en gros c'est ça. Ok d'accord, très pauvre bien. Petit malheureux. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon bah merci Nicolas en tout cas d'être passé, tu reviens quand tu veux. Et sinon sur ouais. Je suis sur Twitter, c'est Dédé. Eh bah tant mieux. Ah Dédé. Ah c'est Dédé, c'est le quoi, Dédé routier sur Twitter? Bah, oui. D'accord, oui. Nico. Bah très bien, c'est cool. D'ailleurs, on va saluer tous ceux qui sont sur le Twitter et sur le Facebook également, sur Instagram, pareil, de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Continuez, hein, tapez Mickaël officiel pour me rejoindre sur Facebook. Et puis sur Twitter, c'est Mickaël _ avec le petit tir en bas. Mickaël _ officiel. Il y a Denis d'ailleurs sur l'application Mickaël No Limite qui dit je peux avoir un message de bienvenue, un message de bon anniversaire, pardon, fait par Sandro, mort de rire. Je vous écoute tous les soirs au taf. Oui, alors c'est celui-là. Écoutez, voilà, c'est Sandro qui le fait, hein. Sur une partition de Toff. Exactement. Et c'est moi qui ai la baguette pour diriger l'orchestre. Tout à fait. Ma plus belle œuvre. Ouais. Voilà, bon anniversaire, Denis. Voilà, et puis il y a 69 degrés aussi sur le Twitter qui dit j'adore la pub, venez compter les têtes de cons, plus les moutons. C'est ça qu'il faut faire hein, pour s'endormir, c'est mieux. Et Lucas qui dit moi je suis accro aux séries TV, si je loupe un épisode, je peux devenir vénère et agressif. Et alors Yvan également, chaque soir j'écoute et je me dis que personne voudra vous battra car vous êtes les meilleurs. Merci Yvan. Oh mais on a encore du chemin à faire, on est là depuis 7 mois. Ouh là là, vous inquiétez pas, ouais. On est là, posé, pépère, mais on est là depuis 7 mois seulement. Il y a encore énormément d'auditeurs qui ne nous connaissent pas encore et qui vont arriver petit à petit, les grâce pauvres. À vous. Et eh ben oui, plein. Bah encore plein d'auditeurs qui sont malgré eux en train d'écouter une émission de merde. Ouais. Oh là là. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez. Oh, les pauvres. Mais bon. En fait, comme à l'époque, là, les missionnaires, on va prêcher la bonne parole. Mais attention, je ne leur en veux pas. C'est vrai. C'est normal, on ne peut pas aimer quelque chose qu'on ne connaît pas encore. C'est vrai. Donc ils arriveront petit à petit. On sent le mec qui se la ramène ou pas là? On peut pas. Non. Moi j'ai trouvé attends, ça plutôt attends. Honnête. Voilà, c'était juste. Il manquait une musique derrière pour, ouais, pour étoffer le truc, tu vois. Une musique de péplum. Ouais. Tu vois un truc. Ouais. Attends, on sent le mec qui part en guerre. Comme dans les 10 commandements avec Moïse. Voilà, donc, je ne l'en veux pas, on ne peut pas aimer quelque chose qu'on ne connaît pas. Ouais. Ces auditeurs viendront, se rendront compte qu'ils écoutent de la merde, peut-être depuis un mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, pas plus. Et bien ils arriveront, ouais. Ils arriveront petit à petit par chariot probablement. Petit ils arriveront perdu. Ici sur Fun Radio, ce peuple qui ne nous connaît pas encore, grâce à vous qui êtes déjà à l'écoute de l'émission et qui... Prêcherez la bonne parole. Prêchez mes enfants. Voilà, prêchez la bonne parole auprès de vos amis, votre famille également, votre conjoint peut-être ou même vos enfants ou vos parents. Oui. Il se passe enfin quelque chose sur Fun Radio tous les soirs de 23h à 2h et bien entendu le dimanche de 20h à minuit. Le tombeau est fini, c'est bon? Parfait. Ouais, c'était pas mal. Parfait. Hop là, terminé pour la musique. Bon ben merci beaucoup Nicolas en tout cas. Ben de rien, et puis ben normalement je compte venir vous voir d'ici peu. Hein. hors de question. Hey, tu prends une douche. Non, je plaisante. Évidemment, t'es le bienvenu. Tu vois avec Sandro, mais tu peux venir quand tu veux, sans problème. Pas de soucis. Et ça comme roule. D'habitude, je viendrai pas les mains vides. Ah bah alors évidemment, mais y a aucun problème. Préviens même pas Sandro. On s'en branle. Tu peux venir direct. Et si tu ramènes de la meuf, alors là, mec. Viens avec ce soir. Hein, tu restes toute la journée. Non, je ramènerai que de la bouffe et de la picole, hein, mais ce sera déjà pas mal. Eh ben, c'est déjà ça très très bien, très bien, Nico. Merci à toi. Tu reviens quand tu veux. Y'a pas de soucis, à plus. Salut Nico. Yanis, t'avais encore un truc à ajouter? Non, moi c'était juste un. Ok, très bien. Eh ben écoute, tu reviens quand tu veux, Yanis. Eh ben y'a pas de soucis. Salut à toi, passe une bonne soirée, merci d'écouter Fan, à bientôt. À bientôt à Drancy. On va se faire le karaopé dans quelques minutes. Tout le monde est là, il y a Julie, il y a Laura, il y a Kenan, il y a Tim. Salut tous les quatre. Salut Michael. Qui va couper la radio, celui qui l'a allumé là? Qui a sa radio allumée? C'est Laura. Ça y est, j'enlève. Laura, tu vas te fouetter. Voilà. J'enlève. Attention Laura, est-ce que tu veux un coup de fouet? C'est une bonne odeur de paix qui arrive. Allez, mets-toi la fesse à l'air, Laura, attention. Carrément? Ah, oui. Ah, j'aime les coups de fouet. Hein. Je fais chauffer d'abord. Hein. Normal. Corentin? Bah oui, il faut que le cuir se... Voilà. Voilà. Attention Laura, je ne plaisante pas avec ce genre de choses. Ouh. Eh oui. Bon, Julie et Laura de Nancy, Kenan de Quimper, Tim Débris en Essonne. On va jouer donc au karaopé dans quelques minutes. Vous restez là? Okay. On reste là. Parfait. Bon, on va faire une équipe fille, une équipe garçon comme d'habitude. Et puis bon, on va jouer au karaopé dans quelques minutes. Ça va être magnifique, ça va être génial. Un jeu que toutes les autres radios veulent nous acheter, mais il n'en est pas question, bien entendu. Restez là, on aura également dans quelques minutes Karima qui est avec nous, 36 ans de Paris. Karima, est-ce que t'es animatrice radio ou pas, non? Allô? Ouais, Karima, ça va? Oui, vous. T'es animatrice radio ou pas? Non. D'accord, je pensais que c'était une collègue, mais non, bah. Non, je suis pas l'animatrice de l'émission d'avant. Non. Ah non, bah alors d'accord, ok. Bon, oui. Karima, on va parler de quoi dans quelques minutes avec toi, ma chérie? En fait, je suis en contact téléphoniquement avec une personne depuis le mois de juillet. Téléphoniquement? Oui, t'aurais fait visuellement, quoi. Par téléphone, non? C'est vrai, téléphoniquement, oui, n'est-ce pas, n'est-il pas? Et donc, cette personne, je l'ai jamais vue, donc on a parlé de se voir, et cette personne, son travail, c'est un voyant, en fait. Ah, oulala. Ah, bon, alors, bouge pas, Karima, on va en parler dans quelques minutes, hein, ne bouge pas, on aura Virginie, on aura la réponse à la colle de Marion, et puis on aura les appels de Toff, tout ça débarque dans quelques minutes. Bon, on va pas faire même la colle maintenant, tiens, parce que c'est vrai qu'on est déjà à la bourre, là. Minuit 36, j'avais dit 5 minutes. Marion, est-ce que tu es là? Oui. Allez, c'est parti, on va savoir si tu repars avec le Samsung Galaxy Tab 3 ou la console Nintendo 3DS XL. On appelle maintenant le gagnant ou la gagnante éventuelle. Si elle ou il décroche et donne la bonne réponse, il ou elle gagne et tu perds. Si ça ne décroche pas ou que la réponse est mauvaise. Allô, bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, Jennifer. Salut Jennifer, c'est Mickaël. Salut. Tu es en direct sur Fun Radio, comment vas-tu? Très bien, et vous? Très bien Jennifer, tu as quel âge, dans quelle ville? 23 ans à Creutzwald, en Lorraine. Très bien. Ah, Creutzwald. Creutzwald, ah, Jennifer, Marion, qui elle est dans le Haut-Rhin, c'est pas très loin, enfin pas très loin, par rapport à Bordeaux, c'est à côté. Ah, par exemple. Bon, alors, Marion donc, qui a une colle à te poser, Jennifer, vas-y Marion. On me voit toujours en double en une journée, je passe mon temps à croiser ma petite sœur. Qui suis-je? Les aiguilles d'une montre. Une quoi? Les aiguilles d'une montre. Les aiguilles d'une montre. Oui. C'est une horloge. Ah. Ouais, je serais tenté de dire que c'est bon, mais après... Allez. En gros, c'est une montre, parce qu'on regarde la montre en double, en une journée, on voit aussi les aiguilles, oui. Ouais, mais donc, ouais, c'est ça, donc c'est les aiguilles, parce qu'au final, on me voit toujours en double, c'est l'aiguille que tu vois en double, pas la montre. Ben voilà, tout à fait. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ah, moi, je serais tenté de dire oui, Marion. Hein, je pense. Ouais, moi, j'ai même envie de dire c'est bon. Hein. Voilà. On va demander aux autres. Alors, Karima. Oui. Tu validerais, toi, Marion, ou pas la colle? Hein? Tu as écouté ce qu'on vient de dire? Non. Pas vraiment. Parfait, Karima. Mais merci d'être à l'écoute. Merci pour ce conseil. Plaisir. Julie. Julie. Merci, Julie. Oh là. C'était là, parfait. Excès de mollesse. Laura. Excès de mollesse. Ça, c'est un coup de mollesse. Laura, t'es là? Ouais. T'as entendu la colle et la réponse? De quoi? Oh là là, qui sont mous? Mais qui sont mous? tout. Parfait, Laura, c'était parfait. Parfait, c'est génial. Bon, au cas où, la porte de ce que je viens de dire, est-ce que tu as entendu la colle à l'instant? Ouais, j'ai entendu, ouais. T'as entendu la réponse? Non, j'ai pas fait attention. Oh, bah, bravo, Laura. Allez, Kenan. Oui, oui. T'as entendu, toi, ou pas? Oui. Ah, alors, est-ce que pour toi, Jennifer doit gagner ou pas? Bah oui, c'est pareil en fait. C'est pareil. Et Tim, qui est avec nous également d'Essonne, salut Tim. Salut. Ça va, t'as écouté toi ou pas? Oui. Et alors, pour toi, elle doit gagner ou pas, Jennifer? Bah oui, c'est bon. Heureusement que les mecs sont là! Parce que ah sinon, on serait dans la merde, je vous le dis moi. Bon, bah bravo, Jennifer. Merci. Ouais voilà. Eh ben voilà, oui Jennifer, vas-y, il y a une seule personne, tu connais certainement la règle. Marion. Comment c'est Marion. Ah Marion, excuse-moi, vas-y Marion. Je passe une dédiée à Oriane et aussi à ma sœur Mélissa. D'accord, eh ben le message est passé. Salut Marion, désolé pour toi en tout cas, je te fais des gros bisous. C'est pas grave. Merci. Salut Marion, je t'embrasse. Ciao à toi. Jennifer, bravo à toi. Là, qu'est-ce que tu préfères, tablette Samsung ou alors la Nintendo 3DS XL? La Nintendo 3DS XL. Eh ben la Nintendo 3DS XL, eh ben on va te l'envoyer sans problème. Tu vas renvoyer. Ah ben il n'y en a plus. Ah il y en a encore? Bon il en reste encore. Il en reste encore une. Très bien. Bon ben voilà, elle est pour toi alors, qu'il n'y ait pas de problème. Je te fais des bisous. Plein de bisous à toi aussi. Salut, ciao à toi Jennifer. Mickaël No Limit sur Fun Radio. J'ai enfin trouvé la lampe du génie. Je vais enfin pouvoir faire les trois vœux. Alors, que Mickaël No Limit dure longtemps, qu'il continue à nous faire rire, et qu'il soit tous les soirs au top. Tu ne désires pas de montagne d'or, de Ferrari ou d'un vie éternelle? Non, Mickaël m'offrira le reste. Oh my God! Mickaël No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. C'est Fun Radio et Mickaël No Limit avec Polo contre le reste du monde tout à l'heure. Et puis il y a un petit message là qui est arrivé de Frédéric qui dit sur le Twitter, si un jour vous arrivez, si un jour vous arrivez à la cheville de Mickaël, faites-lui plaisir, faites-lui ses lacets. C'est drôle ça Fred. Et il y a la petite fée également qui dit petit à petit sur le dos d'un escargot les nouveaux auditeurs arrivent. Mais évidemment complètement de petit à petit tout à fait. Et Laura qui dit un message de bienvenue les meilleurs, vous me vendez du rêve, vous êtes les meilleurs, continuez comme ça. Laura qui avait envoyé son message, je vais te mettre un petit message de bienvenue. Alors, oh un beau tiens pour toi Laura ma belle. Ah, t'es perrinculé au PD, va. Voilà Laura, on sait recevoir nous les auditeurs et auditrices. Bon, depuis tout à l'heure on s'est rendu compte donc sur une grande enquête que les filles qui criaient au lit quasiment 9 fois sur 10 c'était uniquement pour que le mec aille plus vite, pour exciter le mec, parce qu'elles s'emmerdent. Ouais c'est ça. Et le pire c'est que parfois elles le font encore plus tellement elles se font chier. Ouais. Alors, exactement. Ouais. Que quand tu es en train de fourrer, tu dis putain la meuf elle crie pas, tu dis je suis une merde, je suis une exactement, merde, je suis ouais. une merde. Alors qu'en fait, et donc on s'est rendu compte puisqu'on est des auditrices aussi au téléphone. Qui nous ont donné leurs avis tout à l'heure hein, et apparemment c'était Jennifer et Christelle ouais. Voilà, qui nous ont dit ouais non mais en fait nous c'est parce que c'est trop long, c'est chiant, c'est ça, on s'emmerde. Il y a un moment il faut qu'il finisse ce connard. Voilà, donc les mecs arrêtez de vous dire qu'en fait il faut tenir pendant 3 heures parce qu'en fait ça emmerde tout le monde. La minute de teuf. Voilà, complètement. Ouais. Bon on y va, on va appeler d'autres personnes. Hein, mais allons-y. Avec les numéros qu'on a reçus sur le mail de teuf, toph@funradio.fr, grâce à vous comme d'habitude. Minuit 45 avant de se faire le caropé, on fait les appels maintenant, c'est parti. Il y en aura Chucky aussi avec Skydive à suivre. Oui. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si votre femme criait quand vous lui faites l'amour. Quoi? Je veux savoir si votre femme crie quand vous lui faites l'amour. Eh ben, tiens, je vais l'enculer. Hein. C'est comme tu parles, masqué, à cause de ta mère. Viens devant chez moi, et je te fume, gros. Ou quoi? Pourquoi vous dites ça, monsieur? Mais tu es fou, toi? Mais pas du tout, monsieur. Je veux juste savoir si votre femme crie quand vous lui faites l'amour. Moi, je vais l'enculer. Viens venir chez moi. Viens venir chez moi. Mais... C'est toi que je vais faire crier. Oui, mais viens. Je vois pas le rapport, monsieur. Toi, je vais faire crier. Dans le cul, je te le mets le fusil. Tu vois pas le rapport? Enfin, monsieur... Mais appelle pas entier. Il appelle ta mère. Non mais. Bah, écoute-moi. Oui. Viens, toi. T'as le cul, je te le dis. C'est toi qui vas crier. Oui, d'accord. Mais ça répond pas à ma question, ça, monsieur. Oui, mais là, il a raccroché, hein. Conne de ta mère. Eh, conne de ta mère. Il a un petit problème de voix, hein. Ouais, il a un petit problème de voix. On appelle le parrain, je crois. Ouais, peut-être. Il y a le Tanguy du Web qui dit j'ai ramené 21 auditeurs. Même pas un merci, non mais allô quoi. Oh, le Tanguy du web, évidemment, merci à toi, oh, Tanguy du web. Il y a Richard aussi, grosse dédiée à la fille que j'essaye de pêcher, elle se reconnaîtra. De pêcher. Oh, là. Elle se reconnaîtra, bah oui, bah j'espère pas pour toi, par Richard, parce que s'il y a une meuf qui se dit putain, il y a un mec qui veut me pêcher. C'est que je suis du thon. Ouais, probablement. Il y a Miliana qui dit mille merci, je ne sais que vous dire, à part merci, continuez d'être au top, comme vous l'êtes depuis à toute l'équipe. Bah qu'est-ce qui se passe depuis quelques jours là? Il y a plein de messages comme ça. Il s'est passé un truc il y a quelques jours Je ne sais pas. Je sais pas. En tout cas, merci. En tout cas, c'est gentil, les petits compliments. Dorian qui dit la voix de défoncé qu'il a. En plus, il dit n'importe quoi, mort de rire, j'en peux plus. Et Samuel qui dit les appels de Toff, on kiffe tous. Bon, du coup, on le rappelle ou pas alors? Bah oui. Bon, allez, il a mérité un deuxième appel. Allez, deuxième appel, minuit 47, le carreau P à suivre. Allez. Oui, je m'excuse, non, parce que ça répond pas à ma question, ça, monsieur. Écoute-moi. Oui. Envoie-moi ton numéro. Je t'ai pas dans tes questions. Envoie ton numéro. Alors 01 42. Écoute-moi, je suis à Paris. Oui, je suis à Paris, oui. Écoute-moi, vas-y, stop tout. Arrête. Tes questions, je vais me tiens foutre. Oh, vraiment, tu me tiens, tu l'as dit. Vas-y, va te reprocher. Je vais m'enculer. Oui, mais pour la réponse alors? Non, ben on n'aura pas, je pense, à mon avis. Je pense qu'on va devoir arrêter là, effectivement. Ouais. Yeah. Et la friterie à bas qui vient de trouver le père du Fort Boyard. Merde, le père, le nom de celui du Fort Boyard, le père Foras. Et Lucas aussi qui dit j'écoute fun depuis hier, c'est trop fun. J'ai envie de dire, c'est trop de la balle. Merci Lucas. Et Quentin aussi, je suis nouveau, un petit message de bienvenue, s'il te plaît, Mickaël. Eh ben, un petit message de bienvenue également. Alors, c'est parti. Un petit message de bienvenue, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Tiens, c'est pas mal ça. Je vais monter te voir, je vais te casser l'oignon, moi. Moi, je vais te casser l'oignon, tu m'entends? Voilà, tu m'entends? Est-ce que tu m'entends ou pas? Il est bien entendu apparemment là, l'oignon. Il est bien entendu. Bon, minuit 49 sur Fun Radio, toujours au cœur de la nuit sans pub avec dans quelques minutes le son de Chucky. Je vous calerai aussi nouveau la Projack, 10 Feel Tall sur Fun Radio. Et puis il y aura aussi Clean Bandits avec Rattleby. Ça va être bon ça. On va chiller pendant que Toff va chiller comme d'habitude. Allez, restez sur Fun Radio. On va prendre Julie, Laura, Kenan et Tim maintenant avant de parler avec Karima comme prévu. Et on va se faire le karaopé. Ouais. Ah oui, le moment que tout le monde attend tous les mercredis soirs, le karaopé. Vous êtes là tout le monde, Julie, Laura, Kenan, Tim? Ouais. Très bien, pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. Donc le principe est très simple, on fait deux teams. Il y a Julie et Laura, l'équipe des filles. Et de l'autre côté, il y a Kenan et Tim, l'équipe des garçons. Ouais. Le principe est simple, je vais vous passer des extraits de musique. Il faudra évidemment, version prout, hein. Il va falloir nous donner le nom original du groupe. Ou... C'est pas l'épée de polo. C'est ça peut être l'épée de polo. Et c'est vrai que ça dépend quel morceau, il a fait des featuring. Ouais, j'ai fait des featuring. Voilà. Et donc il va falloir nous donner le nom du groupe ou du chanteur ou alors le titre de la chanson, d'accord? Et avant de donner la réponse, il faut impérativement donner son prénom. En imaginant qu'il y a un morceau de Daft Punk par exemple, si Julie ne donne pas son prénom et qu'elle dit directement Daft Punk et que Tim l'entend, eh ben il va dire Tim Daft Punk, c'est Tim qui a le point. OK professeur. OK? D'accord. Très bien. Il y en a qui fait le malin, lui, Kenan. Hein. Ouais. Tu vas aller au tableau, ça va pas traîner, toi, tu vas voir. Je vais te mettre en retenue, tu vas voir. 5 heures. Ouais. Bah, bon, on me fait pas chier, moi. 5 heures directement, hein, bah, bon, merde. T'as raison, Mickaël. Samedi, il est niqué, tu vas voir. Bon, on y va. Première chanson. Vous êtes prêts, Julie, Laura, Kenan, Tim? Ouais. C'est parti. On va voir s'il va faire le malin, là, Kenan, là. C'est un groupe hyper connu, ils ont des fans et des fans et des fans et des fans et des fans et énormément de fans. Vous voyez pas? Julie. One Direction. Elle est One Direction, oh évidemment. Eh ben voilà, One Direction avec Story of My Life. Alors c'est vrai qu'on se dit que ça ressemble peut-être pas, mais écoutez. Alors écoutez la version P. Si ça ressemble. Bah oui, évidemment, évidemment. Bon, un point pour les filles. Bravo Julie, Laura. On y va. Deuxième extrait, vous êtes prêts? Ouais. C'est oui. Parti. Facile, facile, facile. Oh, parce que t'as la réponse, mais. Ouais. Kenan. Kenan. Maître Gims. Ah non, non c'est non. Pas. Non, il est. Ah, c'est pas Maître Gims. C'est aussi un mec qui a énormément, énormément, énormément de fans. À l'époque, il était petit. Polo. Non. Pas d'idée. Ah, Julie. Julie. Romaé. Ah bah non. C'est pas. Ah non, il est. Je vous le remets, je vous le remets. Écoutez bien. Écoutez bien le début. Ça, je vois qui c'est. Ouais, moi je trouvais. Il était tout petit à l'époque quand il chantait ça. Ouais, Jim. Justin Bieber. Yeah. Ouais. Ah, il avait pas mieux à l'époque, hein. Baby, baby, baby, oh. Alors écoutez, hein. Alors écoutez, je vous le remets. Merde. Voilà, ça ressemblait un peu quand même, il faut le dire. Bon, extrait suivant, un partout, c'est bien, c'est serré, c'est magnifique, on y va. Ouais. Oh, ça c'est facile quand même, hein. Bon, après, ok, c'est un vieux son qui date de la fin des années 90. Ouais, c'est ça, ouais, 96 même, un truc comme ça. Pas d'idée. Ah ouais, c'est... Ah, c'est vieux, je le mets. Ouais, ouais. Bah, ils étaient trois, il en reste plus qu'un. Ah, paix à son âme. Oui, exactement. Ah, alors, en l'occurrence, ils sont deux. Enfin, il n'en reste plus qu'un, quoi. Bon, alors, vous avez une idée, Kenan? Oasis? Ah bah non, bah ils sont toujours vivants, ils ont splitté, mais ils sont encore vivants. Je le remets, écoutez bien. C'est ce qu'on appelait un boys band. Non. Tu vois pas? Ah, vous voyez pas? Alliage, non! Mais non, ils étaient pas trop alliage. Eh non! C'était les To Be Free! Jamais! Ah oui, mais il fallait donner la réponse alors! Oh, ça a mal vieilli! Ah ouais! Bah, déjà, quand c'est sorti, c'était, ça avait mal vieilli! En fait, c'était mal sorti, mais non, c'est un mal vieilli! Voilà! Oh putain, c'était dur! Top, il a les abdos des mecs! Ah ouais, bien sûr, exactement! Bon, on y va! Attention, pour l'instant, c'est toujours un partout! C'est un rappeur américain. Kenan. Ouais, Kenan. Eminem. Eh oui. May I have your attention please? With a real Slim Shady, please stand up. Will the real Slim Shady please stand up? I repeat. Ça aussi ça me le vit, hein. Attends, moi j'aime pas Eminem. Ah ouais, j'aime bien moi. Déjà à la base, alors là c'est encore pire. Bon, je peux faire la version paix. Alors attention, pour l'instant c'est 1 pour les filles, 2 pour les garçons. Le dernier titre, écoutez bien. Si les garçons gagnent, alors à ce moment là ce sera la balade. Sinon ce sera l'ex-écho, on y va, écoutez bien. Vous voyez pas? Là, c'est l'artiste fun radio de référence, hein. Une chanteuse américaine, une black. Enfin, une café au lait. Oui, Julie. Miley Cyrus. Ah, pas du tout. Oui, Miley Cyrus, voilà. Le black, c'est bien connu. Exactement. Pas d'idée, Tim? Non. Rihanna, je sais pas. Eh oui! Ah oui. Ah, ça ressemblait de partout. Ça va l'honneur et sauf quand même Julie, Laura, Kenan et Tim. Vous avez bien sauvé la mise malgré tout. C'est pas mal. Même si. Ah non, même pas, je suis con, c'est 3-1. Ouais. Oh là là, vous avez été mauvaises les filles, mauvaise. Bouh. Vous nous laissez pas parler aussi, hein. Non mais t'es sérieuse, Laura. Bah ouais. Sérieuse, tu as été mauvaise. Attends, assume que tu as été mauvaise. Tu sais, Laura, Laura, t'es en train de tricher parce que moi sur le standard, quand vous parlez, il y a des petites lumières. Donc je vois celui qui parle le premier. Et en l'occurrence, j'ai toujours donné la réponse à... Et si on parle en même temps, comment ça se passe ? Eh ben je le vois puisqu'il y a une lumière, là par exemple tu viens de parler, il y a une lumière qui vient de s'arrêter. Là il y a Julie qui vient de tousser par exemple. Même si on l'a pas entendu, j'ai entendu ça a bougé un petit peu donc je le vois. Donc on me la fait pas à l'envers. Ok, ça va. Tricheuse. Laura et Julie. Ouais, ouais. Laura et Julie, vous avez été mauvaises. Au revoir. Ouais, je suis mauvaise perdante. Vous et repartez les mains vides. Ouais, j'ai bien vu, ouais. Gros bisous les filles, salut Kenan, salut Tim, bravo à vous. Bisous. Ouais, on salut peut faire les une dédicace ou pas? Ah bah vas-y, bah non, Laura. On a perdu. Ah bah ouais, ouais, vas-y. À une seule personne, Laura. Je partirai pas sans ça. Alors je fais une dédicace à ma femme Fiona Steele et je lui fais des gros bisous. D'accord, bah le message est passé, pas de problème. Salut Laura, salut Julie. Salut. Ciao. Oui, Kenan. Je peux faire une dédicace aussi? Bah vas-y, à une personne, choisis la bonne. Eh ben c'était parfait. C'est ta meilleure dédicace. Impeccable. Si Mickaël et son équipe avaient vécu dans un autre siècle, ils auraient été exécutés. Car ils sont trop dangereux. Mickaël nos limites. En 2014, ils sont en liberté. Mickaël. De 23h à 2h sur Fun Radio. Toutes les nuits. Au lieu de compter les moutons pour vous endormir, venez compter les têtes de con. Ah oui, carrément. Vous allez kiffer vivre avec nous. Aha. Mickaël. De 23h à 2h sur Fun Radio. Allez, presque la dernière ligne droite de l'émission sur Fun Radio. Presque la dernière ligne droite. Donc, Polo contre le reste du monde qui va arriver. Ah oui. Ah bah oui. Ah bah oui, non, il était un peu la star. Dormi, là. C'est un peu la star. Bah oui, la star du 2h du matin. Ah bah oui. Évidemment, je évidemment. Me suis pas numéro 1. Bah numéro voilà, 1. Évidemment. Bon, comment on parlait de cul, là, de poil au cul, etc. Bon, il y a des messages qui sont arrivés. Quentin également, trop mal au cul. Lol. Bravo, Quentin. Et RL qui dit, je le kiffe. Ce mec trop lol et Lola aussi, je suis mort de rire, je meurs, la voix qu'il a le gars avec les appels de teuf de tout à l'heure. Il y a de GamerFlogs sur le Twitter, Mickaël, l'homme à la bite de chevreuil, Polo, l'homme à la bite de cheval, Toff, l'homme au sexe d'escargot, Sandro, la femme à la touffe douce. Écoute, c'est bien fait de GamerFlogs, bravo. Tu as un certain talent d'écriture. Ouais. C'est vrai, peut-être un nouvel auteur. Ah ben dans pas, le cinéma français, il fera fortune. Ah probablement. Et Margot du 26, salut l'équipe, musique d'anniversaire pour mon chéri qui a 22 ans aujourd'hui et qui vous écoute avec moi. Ah bah décidément, c'est la journée des anniversaires. Oh, allez hop là. Oh, oh, voilà. Allez, bon anniversaire au chéri de Margot. Qui écoute comme ça pour l'anniversaire, c'est bien. Est-ce qu'il y en a qui écoutent en faisant l'amour, vous pensez en ce moment? Ah bah bien sûr. Est-ce qu'il y en a qui sont en train de niquer pendant qu'ils nous écoutent là à 1h03 du matin? Mais ça sent la chatte. Ça sent la chatte, il y a de la baisse dans le monde là. Oh putain, le micro pue sa mère là. Ouais, oh Dario, putain, faut faire quelque chose là maman. Il faut je sais pas moi, mettre un peu de spray là, quelque chose, je sais pas moi. Parce que là c'était quand même scandaleux là quand même, non? Voilà. Ah là, c'est mieux là. Oh, ça ira beaucoup mieux là. Bon, il y a Snorky aussi. Moi j'adore les bonbons réglisse. Oh, je déteste ça. Avec la pâte de fruits rose ou vert. C'est trop bon, je m'en pèterai le bide. Et Lola également, vous me tuez, c'est abusé. Bah merci Lola. Et alors Rouleau également. Salut, je vous écoute depuis hier. C'est mortel en fait. Je pourrais avoir un message de bienvenue, bien sûr. Rouleau là, je vais t'en caler un petit là. Hop là, qu'est-ce que je vais te mettre Alors j'avais pédé de parisien, mais je ne sais même pas si t'es de Paris, donc c'est dommage, je vais mettre ça. Je me casse les couilles là. Voilà. Mais je vais me masturber sur ta gueule, gros pédé, là, tu vas voir. Ça va te faire un tout drôle là. Tu vas bouger la semaine, ce pédé que tu es, va. Toujours dans la sympathie et la bonne humeur. Tiens, j'avais une question à vous poser. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de perdre un truc important et de le retrouver alors que vous pensiez qu'il était définitivement perdu? Bon, et récemment j'ai perdu mon Mac. Ah oui, tu l'avais oublié dans la voiture. Ouais, je l'avais oublié dans l'autolib. Enfin, parce que bon, c'est les voitures partagées, donc c'est pas ma voiture. Voilà. Et... voiture partagée. Oui, bah, c'est comme ça que ça s'appelle. Bah, c'est ça, ouais. Et donc le matin, je me suis rendu, parce que voilà, j'étais super fatigué, je l'avais oublié sur la banquette arrière. Et le matin, je me réveille, putain, mon Mac. Donc je cours là où j'avais déposé la voiture, forcément, elle était partie. Et heureusement, je m'étais pas rendu compte, mais le mec qui avait pris la voiture juste après moi m'avait appelé. Et m'avait laissé un message en me disant ouais j'ai votre ordinateur. Putain, moi je vais regarder hein. Franchement on va me dire t'es un enculé, etc. Mais je vais regarder. Ouais mais c'est badgé et tout. Donc les mecs ils savent qui a pris la voiture et donc ça limite le nombre de mecs qui ont pu la piquer quoi. Ouais enfin, mais après ouais c'est vrai. Moi j'aurais quand même pas été un enculé. J'aurais fait un oui transfert au mec. J'aurais dit voilà les données, merci pour l'ordinateur, allez à bientôt hein. Et tu vois voilà. Ouais, mais ça, à la limite, ça m'aurait moins dérangé. Parce que moi, il y a tout dedans, quoi. Il y a toute ma vie, tout est là. Bah voilà, c'est ça. J'aurais d'abord regardé ce qu'il y avait dans l'ordinateur de cet enculé. Il y a les crottes voir. De nez aussi, toi. Ah, ouais, tout ouais, est là. C'est ouais. ça, moi, c'est ça. Le mec, il aurait vu toutes les crottes de nez. Il serait dit non, moi, je peux pas utiliser ce ordinateur. Ah ouais, ouais, bon, tu laves après. Hein. Et donc, je demande ça parce qu'en fait, il y a un Anglais qui a perdu son iPhone au ski. Il a passé sa semaine à le chercher. Ça me fait content. Il était sur les pistes, tout le bordel. Et non seulement il l'a retrouvé grâce à un détecteur de métaux. T'imagines, mais le mec... surtout, il fonctionne encore. Non. Non mais c'est beau quand même. C'est-à-dire hein. que le mec a passé sa semaine à chercher son téléphone. La meuf elle devait être ravie. Ouais ouais, ski, génial. Elle cool. l'a quitté un peu depuis. Ah peut-être ouais. Si vous aussi vous avez perdu des trucs importants ou pas hein, et que vous avez fini par les retrouver, et ben venez nous raconter comment ça s'est passé là. Appelez-nous maintenant 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Il y a Mister Pepper qui dit je me fais sucer en ce moment. Oh l'enculé. C'est bien. Bah profite Mister Pepper, je suis content pour toi. Il y a tout Romain aussi sur le Twitter, les tagadapping, c'est ma deuxième addiction. Et Lola aussi, j'attendais ce moment depuis ce matin. Enfin, je peux vous écouter. Ah bah, très bien, Lola, merci à toi. Bon, on va prendre Rémi également qui va nous parler de à quoi il est accro également. Il appelle de Joinville. Et Rémi, si t'es accro au shit, je pense que je peux me marrer. Hein. Non, je suis là, Mickaël. Bon, salut à toi, Rémi. À Joinville. Non, Joinville, c'est dans en Haute-Marne, dans le 52. Bon, alors, ouais. Rémi. En direct du 5-2. Eh oui, en direct du 5-2. Qu'est-ce qui t'amène? Toi, t'es accro à quoi, toi? Je suis accro au sexe. Accro au sexe, d'accord, ok, mais genre quoi? Bah genre que depuis que j'ai fait ma première fois, enfin maintenant je suis accro. J'ai fait ma première fois dans un camping à l'âge de 13 ans. Dans la quoi? Dans un camping. Ah, dans un camping, j'avais compris, dans la cantine. Je dis quoi? Oh non. D'accord, ok, donc dans un camping, d'accord, et depuis t'es accro. Oui, mais c'est normal, ouais. C'est le début, etc. Tu kiffes, ce qui est logique. Ouais, puis tu vois bien que maintenant t'enchaînes des copines, machin, qui. Bah voilà. Oh, maintenant, bah ça va. C'est devenu un peu comme une drogue, tu vois. Ouais, j'allais dire que c'est devenu un peu comme Toff, et là ça aurait été dramatique. Ouais, bah, c'est sûr, hein, j'imagine. Ah bah oui, je te confirme même. Et mais quoi, tu enchaînes, rassure-moi, tu seras à chaque fois couvert, bien entendu. Ouais, quand même. Bah, bon. Non, mais attends, il y en a qui pensent que le sida, ça n'existe plus, alors, ou que tu sais, ça s'est guéri, etc., etc., etc. Donc ça se soigne, mais ça ne se guérit pas encore, donc continue à sortir couvert en tout cas. Ouais, très bien. Et donc toi, camping la première fois, depuis, t'as eu combien de meufs? Ouais. Ah, depuis, je sais pas. Allez, gros, quoi. Ah, genre vois, 5, 15, 30, 50. Ouais, peut-être 30, 40, je sais pas. Ah ouais, toi tu te mets bien, Rémi. Là. Tu vois bien. Ah ouais, il se met pas les choses à moitié. Ah ouais, j'ai des soirées tous les week-ends, tu vois. Donc d'accord, bon, bah tant que tu sors couvert, c'est le principal, Rémi. Bah, merci d'avoir appelé, Rémi. Hein. Il faut. Bah oui. Passer une petite dédicace à tout le monde. Allez, ben vas-y, y a une seule personne, choisis la bonne. Voilà, j'ai des dédicaces à tout le monde, à tous ceux de Chaumont, tous mes amis qui m'écoutent. Très bien. Eh ben, voilà. Écoute, pas de problème. Tu vas gérer ça avec Sandro, je te la repasse tout de suite, Rémi. Salut à toi, à bientôt. Bonne soirée, les gars. Ciao à toi, Rémi, bye bye. Bon, on aura Virginie aussi dans quelques minutes, là, reste avec nous. T'es là, Virginie, déjà? Bah, bien sûr. Ah, bah, bien sûr. Ah, bah, c'est Jérémy. Oh, gros botteur. Hey, gros botteur. Non. Oh, si, Virginie. Si, un petit peu. Ah, si. Mais si, évidemment. Il n'y a plus de un petit peu, il n'y a plus de grossièreté, il n'y a plus de tout ça. Mais ah, c'est terminé. Parce que Virginie est devenue sérieuse. Non. Attends, il y a Jean-François qui veut te parler. Je mets du café dans un vagin. N'importe quoi, franchement. Tu mets jamais de café dans ton vagin? Ah, va se transformer en la vraie Virginie. Virginie, tu mets jamais de café dans ton vagin? Tentez, vous pouvez tenter, vous n'y arriverez plus. Je mouille. MDR, oui, je crie. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes deux vilaines, vous êtes deux cochonnes. N'importe quoi. Je mets la cuisse sur le ventre, moi. Je prends le verre en levrette par l'anus. Non? Eh, gros beauté. Tu me suces de gland. Tu me suces de gland. Tu veux pas, Virginie? Virginie? Mais je vous écoute, je vous écoute, vous inquiétez pas. Tu vas avoir un orgasme, hein? Jean-François. Bon, Virginie, reste avec nous, on va revenir avec toi dans un instant, t'avais une annonce à passer, il y a Karima qu'on va récupérer de Paris, là. Alors, Karima, parce que là, c'est du gros dossier, apparemment, donc on va s'installer pépère dans le fauteuil, dans le canapé de la radio, là. Incroyable, mais vrai. Bon, alors, j'ai peur. Donc non, pour résumer, parce que t'as démarré aussi tout à l'heure, là, pour résumer, tu as rencontré un mec que tu n'as jamais vu sur Internet, le mec est voyant. Non, non, c'est pas sur Internet, c'est un numéro de téléphone que vous appelez, en fait, et en fait, tu t'es fait enculer, quoi. Non, moi, je dirais pas ça comme ça, non. Bah... Tu payes, c'est un numéro surtaxé, je parie, c'est pas un numéro gratuit. Parce qu'au départ, je l'avais appelé pour vraiment une consultation. Vraiment, j'avais besoin de ça, en fait. D'accord. Donc après, on s'est attachés l'un à l'autre Tu l'as jamais vu ? Oui, mais je sais, mais vous savez, il faut pas juste s'attacher à une personne juste parce que par son physique ou parce que... Ah bah non, c'est sûr. Des fois, on peut s'attacher à une personne parce qu'on a des points en commun et parce qu'on s'est rendu compte que qu'il pense pareil... Ouais, moi j'ai regardé une émission qui s'appelle L'amour est aveugle, hein, et chaque fois ils se kiffaient quand ils se voyaient pas, et dès qu'ils se voyaient, ils se kiffaient. Non, pas à chaque fois, il y en a, ça passait bien, mais. Ah non, c'est pas arrivé parce que. Il y en a pas beaucoup. Il y a des gens qui sont, la plupart des gens qui se rencontrent sur Internet, il y en a, ils ont conclu par des mariages, mais après ça veut pas dire qu'il y a plus de divorces à cause de ça, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est con, je reviens sur L'amour est aveugle, j'aimais bien cette émission, ça me faisait marrer. Ça va revenir. Mais ils vont changer d'animateur, rassure-moi. Il y aura plus d'animateur, ce sera qu'une voix off. Qu'est-ce qu'il était mauvais ? Alors, je m'excuse, hein, il était peut-être très gentil, je le connais pas, mais qu'il était mauvais, le mec ! Mais le mec de L'amour est aveugle ! Est-ce que l'amour est vraiment aveugle ? Oh putain, c'était dur. Tu disais ? Vous n'avez pas constaté que la plupart des gens, quand ils sont sur Internet ou sont par téléphone, c'est tout de suite, avant même de se parler beaucoup, c'est tout de suite, envoie-moi ta photo, envoie-moi ceci, cela. Et bah c'est normal. Et avec nous, il n'y a pas de ça. Franchement, il n'y a pas de envoie-moi ta photo à tout prix. Bon, c'est lui, qu'il y en a des deux qui a un truc à se rapprocher, alors, non ? Non, il est le directeur de son cabinet. Si j'avais la possibilité, il a mis sa photo sur le Internet, quoi. D'accord. Mais alors, pourquoi tu nous appelles ? C'est quoi le problème ? Moi, en fait, on voudrait... Il s'appelle Toff, c'est ça ? Je suis pas voyant, moi. Il t'a enfumé. C'est ça. Non, qu'est-ce que tu voudrais ? Oh, je serais très vieille, je serais trop vieille, je suis un peu vieille pour vous, je crois. Pour Toff, non, non, pour moi, t'es nickel, Karima. Karima, tu sais quel âge il a par rapport à toi ? Moi, c'est mon vrai âge, hein, parce que moi, je suis du mois de juillet, j'ai 36 ans, en fait. Eh ben voilà, moi, je suis du mois d'octobre. Et il a 48 ans. Et lui, il en a 39 et du mois de mai. Non, pas du tout. Voilà, ceci. Il a 39 ans, Toff, tout à fait. Toff, il a 48. Donc, cette personne ne vit pas en France. Il vit où ? Il vit en Angleterre. D'accord, ok. Au mois de décembre, il a voulu que je lui donne mon adresse pour envoyer un cadeau pour la petite, parce que j'ai une petite de 8 ans et demi. Aïe. J'ai refusé, en fait. Il m'a dit, oui, ça me manque, ça prouve que tu me fais pas confiance. Je lui ai dit, écoute... Il a un peu raison. Mais il n'avait pas vu ça, que tu allais refuser de donner l'adresse ? Bah oui, c'est un voyant. Ben, il a mon numéro de portable et il a mon numéro de téléphone. Si tu veux mon avis, c'est bizarre comme histoire. Ouais, déjà c'est un anglais. Enfin, c'est pas un anglais, quand je dis c'est un anglais, c'est dans le sens où déjà ça démarre sur une relation longue distance. Tu vois, ouais. Donc déjà c'est pas le truc le plus simple. Il est là-bas depuis 5 ans, il a acheté sa maison, donc une pauvre fille comme moi, elle n'en a rien à faire, t'as vu ? C'est bizarre. Non, mais je dis pas ça, je dis juste que ça démarrerait éventuellement sur une relation longue distance. Il y a quand même pas le truc le plus pratique non plus. En plus, vous êtes jamais vu, donc ce qui est quand même pas non plus super facile, n'est-ce pas ? Non, on devait se rencontrer, mais ce qu'il y a un jour au mois de janvier, j'avais super mal à l'estomac et tout, quand je l'avais eu, j'ai dit c'est bizarre, parce que moi en fait j'ai un petit peu des dos, mais ils sont pas développés. Je lui ai dit, j'espère qu'il n'y a pas quelqu'un dans ma famille qui va avoir un problème de santé. Il dit, écoute ma chérie, je vais t'annoncer quelque chose, parce que la semaine dernière, j'étais pas là comme je t'avais dit. Il me dit, mon médecin m'a déclaré un début de cancer à l'estomac. J'ai dit, t'inquiète pas, je te promets, je serai là pour toi. Et après, je l'ai rappelé, je crois, début mi-février. Et il me dit, oui, c'est maintenant, j'ai besoin de quelqu'un. J'ai dit, tu sais bien que la petite, je peux pas, elle va à l'école et tout. Il me dit, oui, c'est pour ça que j'ai pas insisté. Il me dit, j'en ai parlé à ma mère. Sa mère avait de Saint-Martin pour rester un petit peu avec lui. Je lui dis, écoute, faudra bien qu'on se voit, toi et moi. Tu vas pas me faire le coup de ta maman, elle est là, qu'on peut pas se voir. Il me dit, oui, toi et moi, on s'est jamais vu. Pour l'instant, je peux pas te rencontrer ma mère et moi. Ce qui paraît logique, le coup de la mère, c'est normal. Bon, dites-nous si vous avez déjà fait des relations longue distance déjà, pour voir un peu comment ça se passe. Et qu'est-ce que vous pensez de l'histoire de Karima là ? Appelez-nous maintenant 01 42 48 5000. Tiens, il y a Johan. Merde, attendez, j'ai fait une connerie. Mais moi, je pas dit que j'avais courir m'installer et tout ça parce que ma petite, elle va à l'école ici. Non, mais je me doute, mais non, mais t'emballe pas, elle va pas t'installer alors tu l'as jamais vue. Reste calme, Karima. Du calme, Karima. Il y a Johan qui dit à Mika, il y a une nouvelle épisode de L'amour est aveugle. Il y a pas longtemps, je te rassure, c'est plus le même présentateur. Ah bon, ça a recommencé ? Bah ouais, mais j'ai raté ça. J'étais pas auto-taquet, moi, merde. Et Johan aussi, j'ai trouvé une Hero 3 Plus sur une piste à Val d'Isère. J'ai vu la personne la chercher depuis le télésiège, mais je l'ai pas rendu pas mal le week-end au ski. Ah bah tu m'étonnes. Ouais. Bon, reste avec nous, Karima. Je rappelle qu'en parlant de week-end au ski, on va y aller également, nous, au ski. C'est à Orsières qu'on va. C'est à Orsières, tout près de Grenoble. Hein. C'est sur la route Napoléon. Là, il faut monter. C'est à 1850 mètres. Et donc, on va là le week-end du 14 et du 15 mars. Donc, pas le week-end qui arrive, le week-end d'après. Si vous voulez venir avec nous, vous êtes les bienvenus. Vous venez nous rejoindre. Si vous êtes dans le coin, ben, venez aussi. Si vous êtes là pendant toute la semaine et que vous êtes là le même week-end que nous, eh ben, on se verra avec plaisir. Et en plus, on a besoin d'auditeurs parce qu'on voudrait faire un défi. Un gros défi. On a besoin d'une dizaine d'auditeurs. Voilà. Auditrices, évidemment. Il n'y a pas de problème. Ça marche dans les deux sens. Donc voilà. On sera là à Orsières. Donc, Orsières Merlette 1850. C'est une station de ski dans les Hautes-Alpes, tout près de Grenoble. Et j'espère que vous viendrez nous rejoindre. Il y a Café Olé qui dit la meuf aime quelqu'un qu'elle ne connaît par téléphone et qui est en Angleterre. What? Exactement, Café Olé. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Johan qui dit Toff m'a donné des places pour le Wiz. Bisous à vendredi. Je vous surkiffe. Cool, Johan. Bébé, j'ai ravi de te voir vendredi. Et également Thierry qui dit ouais, j'ai perdu 5 balles et ma mère m'a dit de repartir faire les courses et l'argent était dans la porte de mon bâtiment. Il est tombé quand j'ai sorti mes clés. Dans la porte de mon bâtiment, de mon vêtement, j'imagine. Qu'il a voulu dire, parce que dans la porte de mon bâtiment, ça me paraît bizarre. Le prince Nadia également qui dit, mais j'ai juste arrêté de... Non, c'est quoi? Mais juste arrête de te dévaloriser, Karima, et trouve-toi un mec près de chez toi pour une relation bidon par téléphone. Et la petite fée qui dit, Mickaël, j'ai du dossier sur Toff. Ah bah appelle-nous la petite fée là. Hey, attends, 01 42 48 5000 la petite fée. Appelle-nous maintenant, 01 42 48 5000. On attend ton appel avec impatience. Bon, carrément, on va la récupérer dans quelques minutes. Il y aura Franck dans quelques minutes. Il y a également Stéphanie qui voulait réagir par rapport à ce qu'il avait déjà perdu. Et puis bah vous, évidemment, 01 42 48 5000. Allez-y, appelez-nous. Donc vous soyez évidemment 02 851 4x0. Ça c'est depuis la Belgique. Et puis toujours Facebook, Twitter, hein, vous tapez Mickaël officiel pour venir nous rejoindre. Venez foutre le bordel tous les soirs. No Limit. Fun Radio. Mickaël No Limit. On Fun Radio. Mickaël No Limit, toujours toujours sur Fun, 23h-2h hein, toute la semaine, 20h minuit tous les dimanches également avec les photos des vacances la semaine dernière. Si vous voulez voir un petit peu comment ça s'est passé, hein, pour le passé, parti en Argentine, ouais. Moi j'étais en Indonésie, et puis Toff a été à Bruxelles. Et au commissariat d'ailleurs, effectivement. Ouais. N'hésitez pas à aller vous rendre sur la page Facebook de l'émission, vous tapez Mickaël officiel sur Facebook tout simplement. Et pour ceux qui n'étaient pas avec nous, là il y avait le chéri, je peux te faire cocu, ou également avec Marie, on n'avait pas vu remis hier soir, on va vous le remettre maintenant. C'était avec Marie qui est avec nous là. Salut Marie. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Bah écoute, plutôt pas mal Marie, plutôt pas mal. Surtout quand on fait un chéri, je peux te faire cocu, j'adore. Est-ce que ton mec est chaud comme la braise? Oh bah alors là, vous le connaissez pas je pense. Eh bah justement pas encore. Il s'appelle comment lui? Nico. Il est quoi? Il fait quoi comme boulot lui? Il est préparateur de commandes. D'accord. Bon, il est où là? Il est chez ses potes soirée poker. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? Ça a fait 6 ans hier. Ah, ça a fait 6 ans hier, parfait. Et on aurait pu se rencontrer où? Dans mon ancien boulot resto-bar. D'accord, qui se trouve? À Lunéville. D'accord, ok. Donc je passais dans le coin par hasard pour le travail et puis bah tu m'as filé ton numéro de téléphone et puis bah je t'ai rappelé et hop, on est chez moi. Enfin on est chez moi, on est à l'hôtel. Bah écoute, on va l'appeler. Bah plus tu l'énerves, plus t'as chance de repartir avec les cadeaux. Bah je compte sur toi, soit bonne, soit douée, soit au taquet. Y'a pas de soucis là-dessus. Allez, c'est parti. Et donc moi je suis derrière, on est dans mon hôtel. Et puis on va le rendre fou quoi. C'est parti, on l'appelle, let's go. En plus on va le déranger en plein poker. Ça se trouve il perd, il va être vénère. Ou alors il gagne et il va être vénère parce qu'après il va perdre. Allô? Oui, allô Doudou? Il est vénère toi. Oui, ma puce. Oh, oui, ça va? Ça va et toi? Ça va. Après 6 ans, il a encore l'air content. Bah ouais, pour l'instant ça se passe, on vient de commencer le poker, tu vois bien. C'est avec ses potes. Qu'est-ce que je voulais dire, t'as bien vu aujourd'hui que j'étais un peu plus distante que d'habitude. Ce que j'ai oublié de lui dire, c'est de pas tirer la gueule. Je trouvais ça bizarre tout à l'heure. Bah ouais, mais en fait c'est parce que j'avais un truc à te dire, mais

Bon, et si vous voulez vous aussi un petit chéri, je peux te faire cocu, c'est open, hein. On remet le couvert la semaine prochaine. Appelez-nous maintenant, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Il y a Laura qui dit, oh là là, la réaction finale, ça m'a tué. Il y a Val qui dit, je suis plié, vous me tuez, la Michou. Stéphanie qui disait, je fais le room service ou pas, là, c'est peut-être pas le moment. Non, c'est vrai. Et tout Romain aussi sur, Instagram, pas du tout, sur Twitter. Pété de rire, je ris trop fort, ma mère vient de m'engueuler, au pire, je m'emballique. Bah oui, t'emballique, c'est clair. Il y a la petite fée qui dit, raser les cheveux, oui. C'est une nouvelle nouvelle manière de s'énerver. Je vais te raser les cheveux, tu vas voir. Et Aïtouli aussi qui dit je vais vous raser les cheveux, c'est énorme. Et Mickaël le patron qui lit des barres de rire sur le Twitter. Et Célie également, moi j'ai failli perdre mon carnet de correspondance, mais il était chez le Pion, hein, 4 heures de colle en plus. Bah, c'est parfait. Bon, allez, continuez à dire ce que vous avez déjà perdu. 01 42 48 5000 02 851 4x0. Il y a Polo contre le reste du monde qui va débarquer dans un petit quart d'heure maintenant. Donc à vous de venir taper la discute hein, si vous le souhaitez. Hein. C'est la seule émission où il n'y a rien à gagner. Hein, soir, à coup sûr, à part vous faire accrocher au nez, c'est tout ce que vous allez gagner. Bah, c'est déjà pas mal, c'est un beau cadeau se faire accrocher au nez par Polo. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc continuez, allez-y, on est là jusqu'à 2h du mat sur Fun Radio, donc profitez bien. Fun Radio. Mickaël, nos limites, c'est tous les soirs, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Sur Fun Radio, c'est Mickaël, nos limites, 23h, 2h, tous les soirs sur Fun. Tous les soirs également, on se fait le top tweetos avec les meilleurs messages qui sont envoyés sur le Twitter de l'émission. Et puis il y a Jojo du 7-8 également qui avait envoyé un message qui dit moi j'ai perdu ma bague, c'est dommage. Drakit aussi, super leçon que tu viens de mettre. Ah bah, nouveau Jennifer Lopez que vous découvrez en exclu sur Fun Radio. I love you, papi. C'était sur Fun Radio à l'instant. On va récupérer dans quelques minutes Karima, mais avant cela, on va faire les appels de Toff. Hein, pour terminer, bah oui, les derniers de la journée. Hein. Appel de Toff, puisqu'on s'est rendu compte que les filles qui crient, en fait, se font chier au lit. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que 87% en gros, c'est des gens s'emmerdent. Ouais, c'est pour faire finir le mec plus vite. Exactement. Et sinon, c'est pour ne pas se rendre compte qu'elles s'emmerdent. Tout à Et fait. Et ça, c'est horrible. Ouais, donc on va appeler maintenant un numéro, grâce au numéro que vous avez envoyé sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. Allez, c'est parti, on y va. On a commencé à examiner ses revues bancaires. Allô ? Oui, bonsoir madame. Oui, comment tu vas ? Ben ça va bien et vous ? Attendez, je pensais à quelqu'un mais ça n'a pas l'air. Ah non, non, non, moi je vous appelle pour savoir en fait si vous criez quand vous faites l'amour avec votre mari. Ah ah, c'est marrant. Non, c'est une question madame, c'est pas marrant. Oui, ben c'est marrant. D'accord, et donc vous criez ou pas alors ? Mais en quoi ça vous regarde ? Bah c'est pour savoir madame, parce qu'il paraît que les femmes qui crient, en fait elles se font chier, donc du coup je voulais voir si vous criez parce que vous vous faites chier. Ah d'accord, au revoir. Bah non, vous avez pas répondu à la question madame, attendez. Oh elle est relou, elle aurait pu faire un effort quand même. Oh bah oui. Et merci au Prince Nia qui vient de nous signer, quoi, t'es en top tweet. Et je suis très très bien là, puisque il y a le Portugal, puis il y a Mickaël, et puis après il y a France Pays-Bas. Ah on est bien là. Non, c'est ni bien, on est entre on est juste au-dessus du Portugal, en dessous de France Pays-Bas. Non, c'est pas mal. Ben merci à vous comme d'habitude hein, c'est grâce à vous le mot clé le plus tweeté en France ce soir encore une fois Mickaël comme presque tous les soirs finalement grâce à vous. Merci beaucoup en tout cas. Bon, on va le rappeler la petite dame là. Hein. Ah bah oui. Bah oui, elle a mérité. Bah je confirme. Allez hop, c'est parti, on y retourne. Non. Oui, allô ? Vous arrêtez maintenant. Bah oui, mais vous n'avez pas répondu à ma question, madame. Vous arrêtez ou j'appelle les flics, d'accord ? Mais pourquoi vous l'appelez les flics, madame ? Vous répondez à ma question, on n'en parle plus. Allô ? Eh ben non, elle est nouveau repartie. Oh, qu'est-ce qu'elle est chiante. La rappeler. Encore une fois, once again. Eh, hey, si t'as des couilles, tu devrais te mettre en numéro non masqué. Au revoir. Si t'as des couilles. Bon, c'est même pas comme si on voulait pas, hein. Bon, on va la rappeler. Elle m'a saoulé, là, on va la rappeler encore une fois. Oui, je m'excuse, mais en fait, je peux pas afficher... Va te faire voir, d'accord ? Oh, je te préviens, t'as qu'à te mettre en numéro normal. Mais je peux pas, mais moi, je vous donne... pas de couilles, d'accord ? Je vous donne mon numéro, si vous va voulez. Va te faire voir. Mais vous voulez je pas... Je te préviens, ça va mal aller. D'accord, mais vous voulez pas mon numéro ? Va te faire voir, tu me lâches. Bah oui, mais répondez à ma question, alors. Non, mais elle s'en fout, hein. Bah oui, on rappelle encore un coup ou on abandonne ? Bon, allez, un petit dernier, là, on va essayer d'entamer un dialogue. Bah, c'est pas gagné, hein. Bon, allez, hop. On y retourne encore une fois. Maintenant, ça suffit. Mais non, mais madame, vous répondez jamais à ma question. Ça suffit, tu sais quoi? Non, dis-moi. C'est moi le mec, d'accord? Dans mon couple, c'est moi le mec. Alors va te faire voir. Et ma femme, elle est gendarme, d'accord? Alors maintenant, continue à me harceler et ça va mal aller. D'accord, mais vous voulez pas juste répondre? Allô? Non. Ah non, bah là, elle a pas voulu répondre du tout, là. C'est dommage, dommage. Tant pis, on remettra. Relou, mais quel relou. On remettra le couvert demain. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Retour avec Karima, là, qui a jamais vu son mec. Le mec est en Angleterre, il est voyant, etc., etc. Et on a également Jérôme, qui est avec nous de Blois. Salut, Jérôme. Salut toute l'équipe. Comment ça va? Ça va, et vous? Très bien. Qu'est-ce que t'as pensé du nouveau Jennifer Lopez? T'as bien aimé ou pas? Ah ouais, franchement, il est pas mal, ouais. I love you, puppy. It's my birthday qui dit aussi. Trop bon le son de Jennifer Lopez à l'instant sur Fun Radio. Oui, c'est vrai. Benji Spears aussi qui dit. Oui, il est pas mal ce Gino. Ben, on aura l'occasion de vous le remettre. Tiens, le I love you, puppy. I love you, I love, I love, I love, I love you, puppy. Je fais bien le Gino ou pas? Parfait, on, ouais. On dirait la vraie, Michael. Eh ben, je trouve aussi. Bon, alors, Jérôme, bienvenue à toi. À Blois, ça se passe bien? Ah bah, nickel, ouais, je reviens de soirée. Ah bah, tranquille. Oh, bah, pépépère. T'es où là? Là, je suis chez moi. D'accord, ok, très bien. Et tu fais quoi dans la vie? Je suis serveur. Serveur, ok, très bien, nickel. Ben, quand on passera à Blois, on passera chez toi pour que tu puisses nous servir. Nous servir un petit verre. Exactement. Pas de soucis, je vous le paierai si vous voulez. Oh, bah, avec plaisir. Alors, on passera deux fois. Ah, bah, deux fois. Il est blindé, il n'a pas besoin. Exactement. Et je rappelle que Toff, d'ailleurs, tellement il est blindé, il nous paye le quick. Ouais. À vous aussi, d'ailleurs, ce sera au Havre. Samedi, 14h, on sera sur la place. La place quoi? Et il en pleure. La place de la mairie. Ah oui, place de la mairie devant le quick. Il voilà. Pleut, tellement il veut aimer son prochain qu'il en pleure. Oh, mais oui, c'est ça, et ça c'est beau. À 16h d'ailleurs, on vous donne rendez-vous également merde, à chaque fois j'oublie le nom, je suis désolé. Parce que ça vient d'arriver là, au Laser Game Evolution, voilà, vers 16h pour faire un petit laser game tous ensemble. Et d'ailleurs, venez nombreux puisqu'on a plein de places à vous offrir. Et puis le soir, on sera au Caliente, là c'est toujours au Havre, bien entendu. Tout ça, c'est dans la journée de samedi. Donc si vous voulez des places pour venir avec nous au Havre, n'hésitez pas, toph@funradio.fr pour nous rejoindre. Et vendredi, on sera au Whiz Club, là c'est à Neuilly-les-Mines, tout près de Lille-et-Lens. Oui, on fait une petite tournée comme ça, on se promène en France. Bah ouais, on allait se mettre bien. Donc le Whiz Club, si vous voulez venir nous rejoindre, tout près donc de Lille et de Lens. Le Whiz Club, on a aussi des places à vous offrir. Donc, et là, il y aura des iPad mini à gagner. On aura plein de cadeaux. On va venir les bras blindés. Vous allez voir. Si vous voulez là aussi des places, toph@funradio.fr. Bon, Jérôme, tu voulais réagir à Karima, toi? C'est ça. Alors, on t'écoute. Alors, en fait, je suis sorti avec une fille pendant 3 mois. En fait, je l'ai jamais vue. À chaque fois qu'on devait se voir, ben, elle m'inventait des gros mythos. Et ben, en fait, c'était des mythos tous les jours, quoi. Un jour, son père, il était mort. Un jour, elle se taillait les veines parce qu'elle avait des problèmes et tout. Oh là là. Ouais, donc voilà. Et moi, comme un con, ben, j'étais amoureux d'elle, donc je croyais à ses conneries. Puis au final, ben, c'est ma meilleure amie qui m'a fait ouvrir les yeux sur elle. Et voilà, je me suis bien fait prendre pour un con, pareil. Ah oui, c'est clair. Donc tu penses que l'autre, il fait pareil? Après, c'est pas forcément dit, hein, mais... Non, c'est sûr. Après, c'est une autre situation, ce que Karim a vu, donc voilà. Après, c'est sûr qu'il faut faire attention aux relations à distance. Moi, j'en ai souffert à cause de ça, donc voilà, faut faire attention. Juste le truc, c'est que je comprends pas l'intérêt du mec, parce que la meuf, enfin, il la baise même pas, donc... Oui, c'est ça, là, pour le coup, il y a rien. Il la baise pas, il lui gratte pas de thunes, je veux dire, enfin, s'il a besoin de compagnie... C'est dommage qu'on appelle Marc Sherlock Holmes. Il nous aurait expliqué, lui. Tu parles, ouais. Il mène l'enquête. Bah, Marc, appelle-nous si tu veux. Hein, Marc, c'est un peu l'enquêteur de Fun Radio, en fait. Hein, on le paye comme ça sur le côté. Bon, bah, Karima, écoute, l'idéal serait peut-être que tu le vois un moment ou un autre. Demande-lui, dis-lui, voilà, moi je veux te voir. Mais oui, c'est vrai, il faut voir les gens à un bout d'un moment, oui. Ben voilà, il faut mettre des limites. Je peux pas faire que ce que je veux parce que je vous rappelle que ma fille, elle a 8h30, elle est en CE2. Non, mais bien sûr, mais après, il peut se déplacer aussi, le monsieur, là. À part les vacances scolaires, ouais. Parce qu'il travaille depuis chez lui, en fait. Et puis là, il est plutôt à l'États-Unis, je sais pas quoi, enfin bref. Ouais, enfin, peu importe, mais bon, je veux dire, il y a quand même une vie, il a quand même des congés. Il peut, je veux dire, c'est pas non plus super loin, tu prends l'avion ou l'Eurostar, t'es arrivé, hein. Oui, non, il est pas à Londres, en fait. Ouais, mais c'est pas grave, peu importe, il peut se déplacer, mais en fait, j'aurais pensé que, comme il m'avait dit, un jour, on se verra, tu viendras à la maison, je me suis dit, tiens, un homme qui t'invite à se déplacer dans son pays, c'est que, quelque part, il ne veut pas cacher où c'est qu'il habite, quoi, parce qu'il a acheté une maison, et ça fait 5 ans qu'il l'a, quoi. Oui, non, mais d'accord, ok, mais ça veut rien dire à la limite encore. Hein, oui, mais c'est ça. Voilà, écoute, essaye de l'inviter chez moi, c'est pas chez moi. Hein. Ouais, c'est pas faux. Mais essaye de le faire venir et je pense que ce sera encore le mieux. Hein. Je pense que c'est le mieux. Attends, il y a Jérémy aussi qui a eu des relations longue distance. Salut, Jérémy. Salut. À Quimper, Jérémy. Ouais. Ça va bien? Juste à côté. Ouais. Exactement. Ça va, toi. Bah, bon, en fait, très mais bien. Toi, c'est des relations longue distance, c'est parce que Quimper, c'est loin de tout, en fait. Un peu, ouais. Bon, alors, c'est quoi, Jérémy, toi, la relation longue distance? Raconte. En fait, moi, je suis donc à Quimper, donc je suis à 30 km de Quimper, donc je suis encore plus loin de. Oh là là, ah, et donc, toi, t'es vraiment au milieu de rien, toi. Mais il y, y a des bus qui passent par là ou pas? Non, non. D'ailleurs, il n'y a pas le téléphone, là, il est avec un téléphone satellite. Il n'y a pas d'antenne non plus. Bon, et donc, c'est quoi ta relation longue distance, toi? Alors, en fait, elle est dans les Yvelines, en fait. Ouais, ok, ah oui, d'accord. Ça fait quand même, ouais, putain. Ah bah, Quimper, région parisienne, oui, c'est sûr, c'est pas à côté, mais bon. Juste fais-moi rire, tu mets combien de temps pour aller la voir? En voiture ou... Non, non, en transport, tu sais, genre le train. En train, Oula, on entend mal. Est-ce que tu peux te mettre là où il y a du réseau? Quand je parlais de téléphone satellite, j'étais pas loin. Tu peux te bouger un peu pour y là, voilà, pour attends, le réseau là. On va trouver le satellite. Bah là, j'ai bougé un peu, ouais, non, mets-toi à droite. Le satellite est juste à droite. Ah, je pense que c'est bon. On a capté le satellite là. Tu disais que tu mettais combien de temps? En train, j'ai pas été, mais en avion, c'est une heure. Ah, ouais, tu dois prendre l'avion, hein, carrément. Ah, t'imagines ouais, comment Quimper, c'est loin. Ah, t'es sérieux, là de Quimper à Orly, et après, c'est, tu prends la voiture, quoi. Ah, oui, oui, d'accord, ok. Oui, bah, oui, d'accord. Okay. Bon, vu comme ça, évidemment, alors, c'est long, on est d'accord. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, toi, à Karima, du coup? Bah, en fait, est-ce qu'elle lâche l'affaire ou pas? Bah, faut peut-être pas, mais de le voir un petit peu pour parce que c'est compliqué quand même, il est à l'étranger, enfin, c'est ce qu'il dit, après c'est peut-être pas vrai. Donc... Oui, non, mais... Après, excusez-moi, je ne vais pas mettre sa parole en doute, il est vraiment là-bas, parce que juste quand je suis au téléphone avec lui, genre il y a le facteur qui lui emmène le courrier, et il parle en anglais, et aussi il y a le monsieur là qui lui avait repassé son linge, parce que là-bas il dit que c'est pas cher pour faire le repassage pour le linge, et des fois il me dit je peux pas répondre, parce que je suis avec ton téléphone, je lui dis écoute, prends deux secondes, va chercher ce que tu as à chercher, donc des fois c'est le facteur, des fois c'est la personne qui lui ramène son linge plié. Oui, enfin c'est la vie quoi. Il parle en anglais quoi, des fois c'est le monsieur qui lui lave les voilà, enfin bon, après il mange du raisin. Après... Karima, j'ai peur que tu t'emballes un petit peu quand même, hein. Mais je veux dire, c'est après tu peux parler anglais partout, tu peux, ouais. Voilà, il faut se méfier. Ça veut pas dire que c'est vrai tout ça, mais bon, je ne dis pas. Oui, ça se trouve c'est vrai, et ce sera peut-être l'homme de ta vie. J'en sais rien, je te le souhaite. Mais moi, ce que je ferai à ta place, tu dis voilà, moi j'ai une petite fille, écoute, je peux pas me déplacer. J'aimerais bien qu'on se voit quand même. Essaye de voir pour qui viennent. Oui, ça il le sait parce que je lui ai même demandé, je dis supposons que ça marche, comment on va faire pour la petite? Il dit écoute, ici c'est pas comme en France, les enfants à l'école. C'est non mais t'emballes pas, tu l'as pas vu. Attends, vous emballez. Non mais envoie-le d'abord. Et après tu feras une vie, parce que là, c'est-à-dire que. Oui mais alors si je m'installe, comment on fait? Si la maison me convient pas, on achète une autre. Vous êtes même pas vu encore. Non parce que je lui ai déjà dit est-ce que tu pourrais revenir en France et tout, et me dire non. Ah mais vous êtes même pas encore vu. Oui, oui. Non, mais je veux dire... Non, mais vous êtes pas vu, Karima. Stop. Oh, calmez-vous. Stop. Mais non, mais c'est toi qui dois te calmer parce que tu fais des projets. C'est-à-dire que moi, je tombe sur une meuf qui, alors qu'on ne s'est pas encore vu, me dit « Ouais, bon, écoute, voilà, moi j'ai une fille, mais alors comment ça va se passer si jamais ça va pour la mettre à l'école ?» Ouh là là, reste calme. Ah oui, non, mais d'accord, mais on parlait de tout et de rien. Je lui ai dit « Pourquoi tu, pour, ah bah, surtout de rien, là, tu viendras de t'installer un jour en France ?» Il me dit « Non, je suis trop dégoûté. » Bon, écoute, Karima, parce que l'histoire, tu me l'as raconté, mais écoute... Ouais. Plusieurs fois. Fais-le revenir, un petit week-end, pépère, vous allez vous rencontrer, ça se trouve ça se passera mal parce que c'était pas bon. Et au final, eh ben comme ça tu repars à zéro, ça se trouve ça se passera bien. Et à ce moment-là, vous pourrez même plutôt essayer de trouver une solution. Mais commencez pas à chercher les solutions alors que ça se trouve, il n'y a même pas de problème à régler. C'est ça, commence par te faire démonter et après tu verras si tu peux monter quelque chose. Merci Toff. Voilà. Moi je trouvais ça bien comme ça. Voilà, bon. Merci Jérémy et Jérôme. De rien, merci. Bon, bah, vous venez quand vous voulez, bah écoute, y a pas de problème. Bon, Karima, tiens-nous au courant quand même quand est-ce qu'il va venir, d'accord? Ah oui, non, bien sûr, moi je vous écoute depuis le mois de juillet, depuis fin juillet. Donc, bah, c'est cool, merci beaucoup, Karima. Bah, je te fais des gros bisous. En tout cas, vous savez que je voulais vous dire, vous êtes des gens, vous n'êtes pas des mauvaises langues, parce que vous savez, je suis passée dans une autre radio, ouais. Et j'ai pas le temps de finir ma phrase, c'est tout de suite, maintenant laisse tomber, le mec est en train de t'arnaquer. Non mais voilà, après c'est possible. Je voulais possible, juste tester mais... par rapport aux auditeurs d'une radio à une autre, qu'est-ce qu'ils pensent les gens. Et ah bah voilà. Et Virgin Radio, franchement les gens c'est des mauvaises langues. Je n'ai rien dit mais ah non, je ne dirai rien. Non, mais c'est tout de suite, le mec il va t'arnaquer, il pense juste à te vider ta carte bleue alors que je l'appelle pratiquement pas, et c'est vrai que ben, c'est un voyant, donc c'est pas, il m'a pas forcé de l'appeler quoi. Donc, non, bah c'est, puis de toute façon il voyait le truc arriver, mais il n'y a pas de problème. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas Karima, tu reviens quand tu veux, je te fais des bisous. Oui, je vous tiendrai au courant. Ça roule, merci. Salut Karima, et puis on va revenir dans quelques minutes sur Fun Radio avec vous toutes et vous tous, 01 42 48 5000 et 02 851 depuis la Belgique, hein, 02 851 4x0, parce que si j'enlève la moitié du numéro, ça va être compliqué ça pour ça nous joindre. Rien. Donc 02851 4x0 depuis la Belgique pour nous joindre. C'est Mickaël No Limit et puis on est là jusqu'à 2h du mat. Micro branché. Son calé. Jingle prêt. Bonsoir tout le monde. Mission réussie. Mickaël aux limites. Un petit pas pour nous, un grand pas pour l'humanité. Mickaël de 23h à 2h sur Fun Radio. C'est bientôt la fin de l'émission. Bah oui, mais oh. Ça arrive. Ah oui, mais ça passe, mais on sera de retour demain soir en direct à partir de. Ah bah oui. À partir de 23h sur Fun Radio avec tous vos messages. Vous pouvez d'ailleurs nous appeler maintenant si vous voulez passer dans l'émission de demain. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Il y a Lola qui dit ça sert à rien les relations en longue distance. Je suis sorti avec un mec et au final c'était un fake. Edouard également, respect pour Quimper. C'est pas paumé, bah oui, tu peux être tapé tof si tu veux. Et puis Quentin également, j'ai déjà perdu mon père mais j'ai retrouvé, il était dans le placard. Et alors il y a la petite fée qui dit moi j'ai déjà cherché partout mon téléphone alors que je l'avais collé à l'oreille. Bah c'est bien vu ça. Et enfin Terry également qui dit elle a raison, vous êtes les meilleurs. Avant j'écoutais d'autres radios mais un pote m'a parlé de vous et depuis je suis accro. Cool Terry, bah merci. Tu remercieras ton pote ou ta pote là de t'avoir fait venir sur Fun Radio, car oui, il se passe enfin quelque chose le soir à la radio et c'est sur Fun Radio que ça se passe grâce à vous tous les soirs. Bon, on va prendre Valentin. Salut Val. Salut. Ça va bien? Bah ouais, vous? Bah très bien Valentin, t'appelles de Sarrebourg, toi en Moselle. C'est ça. Bon, t'es accro à toi, à quoi toi? Parce qu'on en parle depuis le début de l'émission de ce dont vous êtes accro. À monter les marches d'escalier. Hein? Comment ça, à monter les marches d'escalier? Bah j'aime bien la sensation que ça fait. Et je trouve ça bizarre. Mais ah oui, là, c'est bizarre, mais je le confirme. Ouais. Mais tu dois avoir des cuissons béton, ça doit juste être. Hein? Ça doit être un truc de ouf, parce que forcément, si tu montes les escaliers, ça te muscle à mort. Bah oui, quand j'arrive en haut, je redescends pour les remonter. C'est ah oui, non, là, t'as un problème, mec. C'est ah oui, pas... là, c'est des tocs. Hein? Voilà. C'est un toc. C'est pas un vice, ça, c'est un toc. Non, mais c'est pas grave, hein. Après, ça arrive, hein, les tocs, hein. Mais bon, faut. C'est bizarre, quoi. Non, c'est pas un toc, il aime ça en fait. Un non, toc, mais d'accord, pas mais les tocs. Ouais, parce qu'il monte, il redescend. Oui, parce qu'il aime faire les allers-retours en fait. Il aime les marches, c'est un escalophile. Escalophile. Un escalophile, tu sais, je connaissais les escalopes, mais escalophile moyennement qui quand aime même. Coucher le avec des... C'est du latin, c'est ouais. Personne qui aime coucher avec des marches d'escalier. Écoute, c'est bizarre, Valentin. Mais si tu kiffes, tant mieux. Après tout, c'est pas mauvais pour la santé, bien au contraire. Hein. Bah ouais, c'est un muscle. Bah exactement, oui, tout à fait. Ouais, bah merci. C'est ça. Après, ça va te faire un beau corps et tous les meufs. Ah bah bien sûr. Eh bah évidemment. Bah merci Valentin. Bah de rien. Eh bah tu reviens quand tu veux, Val, à bientôt. Hein. Ouais, et juste, ça serait ouais. Possible de faire un pack Lovin Fun. Lovin Fun non, parce que comme tu remarqueras que c'est pas Lovin Fun, mais un pack Fun, je peux te le faire. Oui, pack Fun. Pas de problème, je te renvoie chez Sandro, on va gérer ça sans Valentin, pas de problème. Salut Valentin, à bientôt, merci beaucoup d'avoir appelé Fun, à bientôt. Ciao. Salut Franck également qui est avec nous de Paris, salut Franck. Salut Michael, ça va? Ça va et toi? Ah bah écoute, ça va. Hein. Bon, très bien Franck, qu'est-ce qui t'amène? Michael. Yeah Michael, yeah Frank. Alors écoute, je vais te dire deux choses. La première des choses, ouais. C'est que je disais à Sandro, ouais. C'est que moi je suis accro. Attends, j'entends rien parce que t'es en train de parler avec le téléphone dans la bouche. Ouais. Est-ce que tu m'entends là? Là ça va mieux là. C'est une vas-y. Gorge profonde avec son ouais. Téléphone. C'est bon, vrai, vas-y. Je te disais que moi je suis un fan de Claude François et je te mets au défi. Je te mets au défi de me donner n'importe quel titre de la carrière de Claude François de 62 à 78. Je te chante le refrain en moins de 5 secondes. 62 à 78. Mais au-delà de 78, non. Ah bah non, il était mort. Alors maintenant, et Michael. Ouais, yeah, I'm Michael. Michael, motherfucker. Yeah, I'm on WFUN radio, yeah. Écoute-moi, je vais te dire quelque chose. Il est un petit peu tard et j'ai ma chérie qui dort à côté. Mais juste, elle doit être contente. Voilà. Écoute-moi. Juste en aparté, moi je suis de la génération de Max en fait, si tu veux. Ouais. Donc, bah moi aussi. Max, hein. Voilà. Alors. Donc moi, Max qui était un ancien animateur sur Fun Radio voilà. Dans les années 90 et 2000. Âme. Non, je plaisante. Bah, arrête. Oui, c'est très cool. Je plaisante. Écoute-moi. Je te raconte une histoire et s'il entend ou si tu lui parles de moi, il va tout de suite me reconnaître. Donc moi je te dis j'ai 41 ans maintenant. Ouais. Et à l'époque, donc j'écoutais Max tous les soirs. Ouais. Et en fait, nous, notre délire avec un pote, c'était d'aller sur les Champs-Élysées. On essayait de trouver 2-3 meufs, dès qu'elles étaient un peu jolies, on allait les voir, on retirait toujours de la maille, de l'argent, tu vois, et on leur disait, voilà, écoute, ce soir on enterre notre vie de garçon, et voilà, toi, on voulait pas te prostituer, voilà, moi je te trouve jolie, si tu veux, on se fait un petit kiff, on trouve un petit endroit public pour pas que t'aies peur, tu vois, on se fait un petit kiff, et voilà, je te donne un petit billet de 200 francs, un petit billet de 500 francs, ou choses comme ça, tu vois. et 75%. C'était des gens, c'était encore en francs. Mais oui, c'est pour dire que ça date. Et donc je pense que c'était en francs. Et donc, si tu veux, on s'est levé, mais plein de nanas comme ça, mais plein. Donc, on les a mis dans le parking du Georges V, tu vois. bon, ça, ouais. Écoute, on se faisait sucer sur commande, et évidemment, à la fin, tu veux, quand on monte les escaliers, on montait de plus en plus vite et on se barre en courant, et évidemment, on donnait pas l'oseille. Oh non, ça se fait pas. Parce que toi, Toffy, t'es déjà au distributeur, là, t'es déjà en train de tirer 50 euros. Là. Avec sa carte en bois, il va rien tirer du tout. Je peux pas la mettre dans un distributeur, il va jamais me la rendre. C'est vrai. Et écoute, tu savais le nombre de meufs qu'on a pu se faire comme ça, mais c'était énormissime. Et donc, un jour, j'écoute Max et j'entends une nana qui dit allô, Max, un enculé, bonsoir, écoute, ben voilà, j'étais avec des copines sur les champs, il y a un mec tout mignon qui est venu avec un autre mec plus vieux, et en fait ils nous ont proposé de l'argent parce qu'il intéresse la vie de garçon, donc voilà, ben, je te cache pas que on lui a montré nos seins et tout, on l'a branlé, et voilà, on va avoir de l'argent, le mec il se barre en courant. De là tout de suite j'appelle Max. Ça, j'appelle le standard, il me passe Max, et je lui dis, écoute, la personne qu'elle dit, la nana, je lui dis, c'est moi avec mon pote. Il dit, écoute, tu viens tout de suite nous voir à la radio. Donc, on était venus, on avait à l'époque une 900 Ninja Kawasaki, tu sais, les grosses motos. Tu vois. Donc, on a pris la 900 Ninja, et en fait, bon, on est resté, on a fait plusieurs soirs avec Max comme ça, et on racontait, en fait, si tu veux, toutes les aventures qu'on a pu avoir avec cette histoire d'enterrement de vie de garçon. Bah, attends, il a pris l'idée, t'inquiète pas. Ah, bah, t'inquiète, là, moi j'y vais, là, direct. Ça, c'est noté, il va directement dans le parking du Georges V, en plus, on est à côté. Donc. En tout cas, ça prouve une chose, c'est que quand t'as de la maille sur toi, tu vois, quand t'as de la maille sur toi. Et que ça marche mieux que quand t'es fauché, oui, ça c'est sûr. Hein. Voilà, et que t'as la tchatche. Et voilà, tu peux embarquer n'importe quelle nana. Mais on le faisait en tout bien tout honneur, tu vois, on forçait. Ah bah oui, en tout bien tout honneur. Bah suce-moi, je te donne de l'argent. Et puis après, j'oublie juste de la payer. Oui, c'est non. Ça. Oh, excusez-moi, j'ai oublié. Non, mais attends, je n'avais pas un fusil sur la tempe. Je veux dire, c'était. Évidemment. Non, mais tu sais, c'est comme quand tu vas dans une boutique, t'achètes une télé. Je veux dire, si tu te barres avec, tu vas dire, ouais, mais attends, le vendeur, il n'avait pas un fusil sur la tempe, tu vois. Mais oui, tu te barres sans payer quand même. Non, et puis en plus on sait que sur les champs il y a plein de prostituées quoi, donc au final t'es peut-être tombé sur une, tu lui dis voilà je vais te payer, la meuf elle dit d'accord, c'est, tu vois, je veux dire c'est son job, tu l'as puis pas après, payé. Puis après il y a un russe qui va débarquer dans le Georges V, tu vas voir. Ouais. Non, c'était que des jeunes, genre 19-20 ans, c'était des genre étudiantes en fac, des nains qui étaient là le samedi soir, qui avaient besoin de nous, c'est tout, et c'était en copine si tu veux. Tu d'accord, vois. Ok. Bon bah c'est bien, bah, si ça a fonctionné, écoute, j'ai envie de te dire tant mieux. Hein. Mais donc tu dis ça pendant que ta meuf elle est en train de roupiller, donc c'est pas mal. Et ça c'est beau. Non, mais elle connaît, moi je suis... C'est comme ça que je l'ai chopé d'ailleurs. j'ai fait que des conneries avec comme ça en se marrant. Bah on a profité, hein. C'était très bien. Bonne époque. Eh ben merci pour l'anecdote, Franck. Bon alors vous avez pas un titre comme ça au hasard? Alors Si, attends j'en avais un, attends merde. Ah c'est quoi le quoi? On a droit de quelle année à quelle année? 72-78, bah, s'il est mort attends, après. En plus t'as le droit vraiment, sors-moi des titres qui sont vraiment... inconnu. De quelle année à quelle année? De 62, c'est-à-dire le début où il a fait pas de belles. Ok, alors fais-moi Alibaba Twist. Ah, très bien. Donc ça, c'était pas sous le nom de Claude François, c'était sous le nom de Coco. C'était Twist, Alibaba Twist, Twist, Alibaba Twist, Tipadadilaba. Tu pourrais me chanter n'importe quoi, j'en sais rien. Twist, Alibaba Twist, Twist, Alibaba Twist. Puis tu vas entendre sa meuf derrière. Hé, espèce de con. Alors, un autre. Attends, il y a Hépatatose. Ah ouais, ça c'était bon, c'est 63. Ça fait bien, c'est 60. Hépatatose. Hépatatose. Ouais, voilà, ça commençait comme ça. Hépatatose. C'était un twist en fait. Ah ouais, toujours avec le même rythme en plus, c'est bien. Attends, parce que je veux juste vérifier, parce que j'y crois absolument pas. Ouais, bah vas-y, Hépatatose. T'as le son là ou pas? Attends, je suis en train de le taper là. Attends, my potatoes, Hey. C'est-à-dire qu'il peut nous chanter n'importe quoi parce que même Google il le connaît pas celui-là. Ah, il connaît pas, merde. Bon, tu sais quoi, ce qu'on va faire, Franck, on va te reprendre demain, on va aller chercher les vrais sons et puis comme ça on pourra les comparer après parce que là on est un peu dans le vent là. Non mais si tu l'as, je te garantis que c'est ça. On vérifiera pour demain et on te reprend demain. Demain j'irai à la discothèque d'RTL pour aller chercher toutes les intégrales de Claude François. Toutes les vieilleries, exactement. Ouais. Bon, à demain, on va aller souffler les vieux vinyles. Ouais, à demain, Franck. Allez, je vous embrasse. Ça roule, ciao à toi, Franck. Bon, et on va vite appeler la petite fée là, qui apparemment avait un dossier sur Toff. Alors, je suis bien curieux de connaître. On va appeler la petite fée maintenant, tiens. Hop là. Qu'est-ce que t'as fait, sale merde encore? Mais je sais pas, certainement de la merde, oui, certainement. Hein. Évidemment. Ah bah, bien sûr. Allô, la petite fée? Oui. Comment ça va, la petite fée? Bah, ça va, et toi? Bah, écoute, ça va. Tranquille, tranquille. Oh, on est dans le nord. Alors, c'est quoi le dossier sur Toff? Bah, en fait, j'avais envoyé une photo avec mon tatouage sur le côté. Oui, ça fait quelques semaines d'ailleurs. Et donc, elle l'avait envoyé à moi. Et en fait, elle s'était gourée, elle l'avait envoyé sur l'adresse où soit tous, nous trois en l'occurrence, le mail. Et donc, du coup, je lui dis, bah, tu vas voir, à mon avis, je parie que Toff, il va prendre contact avec toi. Ce qui a été fait, a priori. Bah, j'ai envoyé un mail, il m'a répondu, donc il m'a demandé mes mensurations. Tout le tralala, en fait. Et après, je l'ai chauffé. Bon, fait partager, c'est quoi alors? De quoi? Les mensurations, là, qu'on sache. Oh, je sais plus, faut que je cherche. T'as pas noté dans ton carnet? Mais bien sûr que j'ai noté, alors attends deux secondes. Bon, alors vas-y, pendant qu'il cherche, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je l'ai chauffé, et puis, il a voulu une deuxième photo. Ouais. Donc, on m'a envoyé la deuxième photo de mon visage. Ouais. Et il n'a pas cru que c'était moi, donc en fait, il voulait une autre photo où c'est écrit Toff quelque part sous mon corps. Et alors? Donc, j'ai pas voulu, donc comme il m'avait dit au début que c'était donnant, donc moi je lui ai pas donné. Et en fait, j'ai continué à chauffer, je lui ai donné rendez-vous il y a 15 jours. Ouais, ça paraît bizarre. Et merci Polo. Et en fait, il est jamais venu. Ah, vous aviez rendez-vous il y a 15 jours, il n'est pas venu? J'ai donné rendez-vous à l'hôtel de ville de Lille et il n'est même pas venu. Non, quel enculé! Mais pourquoi t'as pas été, Toff? Il y a cru en fait que c'était une blague, mais c'est sérieux. Mais pourquoi t'as pas été, Toff? Parce que c'est le mytho de l'année. Pourquoi? Parce que j'ai pas expliqué pourquoi, mais c'est le mytho. Mytho, je pense pas. Hein. Déjà, tout à l'heure, il s'est vengé sur moi. Il a même pas voulu m'inscrire sur la liste du Wiz, en fait. Ah, tu l'as inscrite, là, quand même. De toute façon, tu viens, là, ou pas, du coup, la petite fée? Ouais, je viens vendredi. Bon, écoute, comme ça, ce sera fixé. On verra si c'est la vraie photo ou pas. Bah oui, on sera fixé, évidemment. Ah, mais moi, je viens, mais je mets une grosse tarte dans ta gueule. Hein. Mais oui, viens me mettre une grosse tarte. Eh ben, préviens-moi avant qu'on filmera avec Polo. Ah, il n'y a pas de sujet. Très bien, tu m'envoies un mail avant de rentrer, comme ça je viendrai te chercher dehors avec Polo et on viendra jusqu'à Toff. Et là, paf! Ouais, d'accord, y'a pas de soucis, j'envoie un mail alors. Bon, très bien, on fait comme ça alors, parfait. Ah, j'adore. Mais parce que, en fait, je vais juste expliquer vite fait, parce que pour te mettre sur la liste, en fait, faut juste que tu donnes ton nom. Bah, je lui ai donné mon nom, je lui ai donné mon prénom et le nombre de places, mais il m'a dit non, en fait. Donc, voilà. Voilà, d'accord. Bah, tu sais quoi, envoie-moi ton nom, je le mettrai sur la liste. D'accord, y'a pas de soucis. Ça roule. Bon, salut la petite fée. Je suis fan de nous. Salut, ciao à toi. Et puis bonjour. À vendredi alors au Wiz Club. Salut. Oui, à vendredi, bisous. Ciao. Bon, on va se faire Polo contre le reste du monde. Polo against the rest of the world. Yes. Dans quelques minutes. On y va. Bon, c'est parti. On y va. Ah, dans quelques minutes, ça va arriver. On voilà. Y va après, alors. Voilà, c'est l'émission où vous êtes sûr de ne rien gagner, rien. Où vous êtes sûr de vous faire accrocher au nez, quoi qu'il en soit, tous les soirs. Voilà, c'est un petit peu le principe de l'émission. 01 42 48 5000 et 02 851 4 x 0, ça arrive juste après ça. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nos deux qui rira aura une tape. Aïe! Tu te marres tellement avec Mickaël No Limit que tu pourras jamais gagner. Aïe! Mickaël No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Allez, cette fois-ci, on y est. Polo against the rest of the world. Je suis against the rest of the world. Tout à fait, mais pas... J'ai, le membre a été poudré par un stagiaire, j'ai été huilé. Et mon slip en cuir me va ravir. On y va, Toff le retour dans Polo contre le reste du monde. Je t'écoute. Oui, bonsoir. Je vais te poser des nouvelles questions ce soir. Alors, je t'écoute, Toff. T'es plutôt chatte rasée ou chatte forêt amazonienne? Rasée. T'es plutôt femme de 20 ans ou femme de 90 ans? 20 quand même. Bon, et encore une petite question. Ouais. Si une vieille de 95 ans, elle vient te dire « S'il vous plaît, Polo, faites-moi l'amour, je suis une pucelle. » Et je lui montre la direction de la maison de retraite. Le malvoyant dans Polo contre le reste du monde, je t'écoute. Oui, bonjour Polo. Bonjour. Je fais des séances de voyance. Ouais. Si tu as une question, n'hésite pas maintenant, je te l'offre. D'accord, attends deux secondes. Le voyant. Oui, allô, Polo. Oui. Oui, alors voilà, moi j'habite en Angleterre. Ouais. Hein, j'ai rencontré une meuf parce que voilà, je fais des voyances. Ouais. Hein, et alors en fait, elle habite à Paris, mais alors elle a un enfant. Ouais. Et alors bon, alors parce qu'en fait, moi je voulais qu'elle vienne chez moi. Tu m'as saoulé là, Stéphanie. Oui. Oui, vite. Bah moi je me suis fait un plan à trois aujourd'hui. Bah c'est génial, et qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Tu veux une médaille? Ouais. D'accord, et bah tu l'auras pas. Nadia, le retour. Ouais, je gros zézé, petit zézé. Nadia? Petit zézé, gros zézé. Je comprends pas ce que tu veux, Nadia. Gros zézé. D'accord, super, on dirait une roumaine. Tof, le retour. Et plutôt latex ou plastique? Aucun des deux, le malvoyant. Oui, alors est-ce que vous avez une question? Bon, est-ce que je vais trouver le grand amour? Je vois que vous avez déjà trouvé le grand amour. Ah, hein, bon ah oui. C'est ce que je vois dans ma boule de cristal. D'accord. Donc vous êtes sur le point de vous marier. Ah bon, putain. Et exactement. D'ailleurs, actuellement, je vois que vous êtes à la plage. D'accord. En ce moment même, pendant qu'on parle ensemble, vous êtes à la plage. D'accord, mais d'accord. Il est vraiment con lui. Le voyant. Oui, alors non, parce que alors, donc, moi, la meuf, en fait, bon, je l'ai rencontrée parce qu'en fait, elle m'avait appelé pour faire une voyance. Ouais. Mais alors, elle m'a dit, oui, qu'elle avait... Ah, il m'a saoulé, lui. Stéphanie! Les voyants, c'est vraiment que des cons. Hein. Ok, au revoir, Stéphanie. Nadia! Ouais, je crois, c'est pas... Bon, t'as pas autre chose à dire, Nadia? Non. Alors, non. Dégage d'ici. Toff, le retour! Jean-François. Toff? Tu aimes le sperme? Toff? Je suis en train de me masturber, là. Toff? Ah, j'ai la cafetière dans ma cul, hein. Oh là là, le malvoyant, le retour, allez, suite de la voyance. Oui, voilà, donc actuellement, je vois que vous êtes à la plage. Ouais. Et que vous êtes en train de vous faire pomper le nard. C'est ça, exactement, bravo. Le voyant. Oui, non, parce que, alors en fait, moi, ce que je voulais vous dire. Oh, il m'a saoulé. Le retour de Toff. Jean-François. Oh, super, le malvoyant. Oui, donc actuellement, et je sais qu'au fond de vous, en fait, ouais, vous êtes plutôt déçu. D'accord. Parce que vous préfériez vous faire prendre le cul. D'accord, le voyant. Oui, non mais alors parce que moi ce qui est important, c'est que donc elle voulait venir chez moi, mais alors... Hop, le stuff, le retour, on termine. Je suis en train de mouiller là. Oh là là, le malvoyant, on va terminer, conclusion. Oui, car au fond de vous êtes homosexuel et c'est pas grave. Je t'emmerde le malvoyant, dégage d'ici. Le voyant. Oui, non mais alors parce que, en fait, moi ce que je voulais savoir, c'est parce que comme on s'est pas encore vu que, en fait, je sais pas si ça vaut la peine parce que, bon voilà, elle est à Paris, moi je suis à Londres. Toff, enfin, le retour que... Polo, ouais. Tu aimes le sperme? Non, j'aime pas ça, dégage d'ici. Toff, tu reviens demain? Oui, je reviens. À demain, dégage, le voyant, on termine, on conclut? Non mais alors parce que bon moi du coup je sais pas quoi faire. Ainsi parce que là, se termine suis... ce polo contre le reste du monde sur le voyant qui va continuer à parler. Ah oui, d'accord, merci non, à parce ceux que qui là, ont là, participé, pas, merci que... surtout coup, à ceux qui n'ont pas participé. Bien, ah bah ça va mieux là. Ah ouais, on est mieux là. Ah ouais, ça va beaucoup, mais alors beaucoup mieux. Bon, 2h16 sur Fun Radio, on va se faire le top tweetos également. Il y a Lola d'ailleurs qui dit: le gars il appelle alors que sa meuf dort à côté, moi je l'aurais tapé. Bah tu m'étonnes. Charlie qui dit aussi: la meilleure radio du monde c'est Fun, merci. Et Tommy qui dit aussi: remettez-nous Jean-François. Oh, on l'aura peut-être avec du neuf, Jean-François là, vous inquiétez pas. Jean-François. Bon, il y a Mika Lapéro aussi qui dit: merci Mickaël et toute l'équipe, changez rien. Une petite dédicace à ma chérie qui vous écoute, et bon, l'embrasse également. Et puis Yervin qui dit sagère, et Mickaël le patron qui dit idem, comment tu veux dormir avec cette radio de folie, moi j'ai envie de faire nuit blanche. Oh bah écoute, là tu peux hein, mais et alors il y a Val aussi qui dit: vous pouvez nous passer, nous caler Green Day. Oui, alors comment t'expliquer? Je sais pas si tu vois, visualise le logo de Fun Radio, hein, voilà, les roses, jaunes, bleus. Qu'est-ce que tu peux nous expliquer? Rose, jaune, bleu, pardon. Et en bas à droite, il y a un petit mot. Ouais. Enfin, dans l'absolu, trois mots. Ouais. Lis ce qui a marqué et tu verras que c'est compliqué de te mettre grindé. Ouais. Même si je le ferai avec plaisir. Oh là là, alors là, il n'y a pas de problème. Bon, on va se faire le top tweetos. Allons-y. Je rappelle que c'est le numéro 1 qui gagne ce soir. Attention, il gagne un sextoy à faire part. Passagedudésir.fr. Quel est le numéro 5? Vive les sodomites. Parfait. Numéro 4. Paul PC. Numéro 3. Drakit. Numéro 2. Antoine Dreams. Et numéro 1. Toff aime la sodomie. Très bien. Bon. Eh ben bravo Toff aime la sodomie qui repart donc avec plaisir, le sextoy offert par passagedudésir.fr qui pourra se mettre bien au fond. Complètement du cul, bien entendu. Voilà. Bon, eh ben merci d'avoir été à l'écoute ce soir. On va bien sûr se quitter avec le générique de fin comme d'habitude. Attention, c'est parti. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouts des bites, Toff te sucer, toi l'enculé. T'es un enculé. enculeur, t'encules ton nom, y'a vraiment personne qui encule comme toi. Ta gueule de merde, toi l'enculé. Car c'est toi qui encule ton nom, t'es un enculé. Tu ne peux plus dormir ou bien manger car t'encules ton nom toute la journée. Tu sors de queue. Toi, espèce de gros enculé de ta grand-mère, je vais te péter tes côtes. Ferme ta gueule, fils de pute. Qu'est-ce qui se passe ici? Épilez vos poils de cul. Toi, t'as reçu ta meuf, là, encule ta meuf, mais lâche-moi les couilles, là. Que veux-tu? Ils sont canadiens. Allez vous faire enculer profondément. Et tu vas fermer ta grande gueule. Toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, te sucer, toi l'enculé. Tellement ça te fait enculer. Donc c'est un enculé. Oui, tous les deux, on est des enculés. Attention, Lilou. Et ben voilà, 2h19 sur Fun Radio. Passez une bonne nuit, merci à tous d'avoir encore été là ce soir en Top Bull, grâce à vous, avoir été aussi nombreux, avoir réagi à tout ce qu'on a raconté comme conneries ce soir. On sera encore plus cons demain. Enfin, normalement, en tout cas, voilà, passez une bonne nuit. Demain, on se retrouve à partir de 23h pour la dernière de la semaine. Et puis, bah, bon courage à ceux qui vont bah, amusez-vous bien pour ceux qui seront au ski, bien entendu. Et puis, 23h demain pour la dernière. Ciao tout le monde. Dans une autre dimension, Mickaël est président. Yes, we can. Toff est père de famille. Polo est un gangster et Sandro, un petit chaton. Mais dans votre dimension, Mickaël, ils sont à la radio tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio.